Merci Stéphane, merci Eric. RMC Bourdin Direct, Best Of. Merci de nous avoir accompagnés. Nous serons là demain matin, toujours avec le même plaisir, évidemment. À demain. RMC Bourdin Direct, du lundi au vendredi, 4h30-10h. Allez, un coup d'œil sur la météo de votre week-end maintenant sur RMC. C'est avec Kevin Fleury. Bonjour Kevin. Bonjour François. Peu ou pas de changement aujourd'hui dans le ciel, avec dès ce matin des pluies soutenues sur la région Grand Est, qui gagneront d'ailleurs dans la journée l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. À noter d'ailleurs le retour de la neige des 2200 mètres sur le massif des Alpes. Ailleurs encore des averses, elles seront cependant plus rares. Le soleil dominera le long de la Méditerranée malgré ce vent fort jusqu'à 90 km/h. Attention à l'orage possible en Corse. Vos températures fraîches cet après-midi seulement: 13 degrés à Aurillac, 15 à Clermont-Ferrand, 16 degrés à Lyon, 17 degrés à Grenoble, il fera 18 degrés à Metz et Strasbourg, 20 pour Brest et Bayonne, 23 degrés tout de même à Nice, Marseille et Bastia, 24 à Cannes et au Castellet, et jusqu'à 25 degrés pour Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h Formule 1, départ du Grand Prix de Singapour. 15h, Football Ligue 1, Montpellier-Nice. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Racing 92 Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Marseille-Lyon. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 6h. Toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Panique générale un samedi après-midi en plein centre de Paris. Alerte attentat qui finalement s'est révélée sans fondement. Témoignage et explication dans le journal. Violente explosion au cœur de New York. C'est l'information de la nuit. 29 blessés, dont un grave. Aucune explication pour le moment. Et puis le tennis, ça va être dur, très dur pour les Bleus en demi-finale de Coupe Davis. Hier, le double a perdu. Les Bleus sont menés 2 à 1. Il est 6h sur RMC. Bonjour à tous. Évidemment, le climat de tension n'y est pas pour rien. Plusieurs heures de panique. Donc hier, autour de Châtelet-Léal, en plein centre de Paris, un appel à la police, la peur dans tout le quartier et les forces spéciales déployées sur place. Finalement, c'était une fausse alerte. Écoutez le récit de notre spécialiste police-justice, Dominique Rizet. Il y a une vingtaine de personnes qui sont en train de visiter l'église Saint-Leu dans Paris. Une femme qui est auprès du vicaire de l'église voit passer des hommes qui courent devant la porte de l'église. Ils sont à l'extérieur, elle est à l'intérieur évidemment avec les visiteurs, et elle pense tout de suite à des preneurs d'otages. Elle va avoir un réflexe, elle va fermer la porte de l'église, aidée par le vicaire, et elle va demander aux 20 personnes qui sont à l'intérieur de l'église d'aller se confiner, d'aller se cacher. Et à partir de là, ces gens-là qui sont des otages, parce qu'on leur a dit attention, cachez-vous, cachez-vous, eh bien ils vont téléphoner à la police. Donc les appels sont crédibles, effectivement, puisqu'ils viennent de personnes qui sont à l'intérieur de l'église et qui disent on est otage, faites quelque chose. Donc la BRI est déclenchée et ils sont arrivés en 10 minutes. Et justement, à l'intérieur de cette église, il y avait Jean-Paul Taffin qui s'est fait une belle frayeur. On sort visé par les policiers carrément, lever les mains en l'air, on fait faire tout le bout de la rue là-bas, des palpations pour voir si on n'a pas d'armes sur soi, et puis après ça c'est tout, après ça c'est bien passé. Je considère que les policiers ont fait leur métier. S'il y avait eu vraiment une prise d'otage, il fallait bien qu'ils fassent tout ce qu'ils aient fait, quoi qu'il nous arrive d'ailleurs. Je les critique pas du tout. Un témoignage au micro de Marion Dubreuil. Exercice grandeur nature pour les autorités, le ministère de l'Intérieur qui se félicitait du déploiement efficace et rapide des services de police et de gendarmerie, même si c'était pour rien. Direction les États-Unis ce matin, samedi soir, là aussi de grosses paniques. Quartier de Chelsea, quartier à la mode du centre de New York, il était 20h45 heure locale. Violente, très violente explosion. Philippe Gasso, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Philippe, 29 personnes ont été blessées. Eh bien oui, 29 personnes au moins ont été blessées à Manhattan après la très forte explosion qui a secoué le quartier branché de Chelsea, noir de monde, la nuit dernière, avec ses bars et ses restaurants. Il ne s'agit en aucun cas d'un accident, mais bien d'un geste intentionnel. Selon les premières constatations, un engin explosif aurait été déposé dans une benne à ordures. Il s'agirait peut-être d'une pipe bombe, c'est-à-dire un engin artisanal, un tuyau de chauffage central rempli de poudre et de grenailles. Ces bombes sont en général la signature de miliciens américains anti-gouvernement. Le maire de New York, Bill de Blasio, admet qu'aucun élément pour le moment ne relie cet attentat à une opération terroriste. Il n'empêche que les unités antiterroristes mènent l'enquête sans qu'il y ait confirmation pour le moment. Une autre bombe aurait été retrouvée à proximité des lieux de l'attentat. Et Philippe Gasso, le correspondant d'RMC aux États-Unis. Les États-Unis, justement, pointés du doigt concernant leur action en Syrie, précisément le bombardement d'une position dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Les autorités américaines l'ont avoué, elles ont fait une erreur. Elles pensaient frapper l'État islamique, sauf que ce sont plusieurs dizaines de soldats syriens qui ont été tués. La Russie dénonce. Un conseil de sécurité de l'ONU s'est tenu en urgence cette nuit. La politique en France ce week-end, c'est d'abord le semblant de lancement de campagne de Marine Le Pen. Le FN est réuni à Fréjus dans le Var. La candidate à la présidentielle tiendra son meeting cet après-midi. Et à l'opposé, géographiquement, dans le Nord, hier, c'est Martine Aubry qui était à la tribune. Première des 12 universités de l'engagement chez les socialistes, c'est censé remplacer les universités d'été de La Rochelle. Et pour ce premier rendez-vous, la maire de Lille a, comme d'habitude, distribué les bons et les mauvais points à gauche, Gilles Drose. Dans un discours d'une vingtaine de minutes, Martine Aubry a d'abord critiqué à plusieurs reprises Manuel Valls, sans jamais le citer. Quand j'entends dire qu'il y a deux gauches irréconciliables dans notre propre parti, ça me choque, ça me blesse profondément. Emmanuel Macron en prend lui aussi pour son grade. En revanche, Martine Aubry épargne François Hollande, même si elle se refuse pour l'instant à soutenir quiconque pour la primaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps des soutiens, c'est le temps des idées. Puis ce sera la primaire. Et là, chacun dira ce qu'il a à dire à ceux qui préfèrent parler au nom des autres. Mettez-vous au boulot, les gars, on en a bien besoin. Martine Aubry ne sera pas candidate, elle l'a dit, et c'est bien dommage selon Magali, une militante. Oui, si elle s'était présentée, c'était d'office pour elle, quoi. Désormais, pour Magali, le choix est difficile. Là, oui. Et si François Hollande se présente ? Je ne sais pas. Je suis encore très sceptique. Il peut encore vous convaincre, François Hollande ? On verra. Les candidats à la primaire de la gauche ont jusqu'au 15 décembre pour se déclarer. Le reportage dans le Nord de Juliette Drose, 1 milliard d'euros pour prendre soin de nos autoroutes. C'est le plan lancé ce matin dans le JDD par le ministre des Transports Alain Vidalis. 1 milliard d'euros pour 50 dossiers de rénovation, d'aménagement du réseau. Projet financé par les automobilistes, par une augmentation des tarifs de péage et par les collectivités locales. Il est 6h05 sur RMC. C'est l'équipe spectacle du moment. L'AS Monaco, leader de Ligue 1 après son succès en Ligue des Champions cette semaine. Nouvelle victoire hier 3-0 face à Rennes. Le jeune attaquant Valère Germain est plutôt satisfait. C'est compliqué physiquement, mais on a un groupe qui vit bien, un groupe où il y a pas mal de concurrents associés. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux joueurs frais qui jouent et qui sont performants. Voilà, c'était important de prendre les 3 points. On prend pas de but, on en marque 3 encore. Donc c'est encore une belle après-midi. Et hier soir, Angers est allé battre Bordeaux 1-0. Même score pour Lorient face à Lille. Un partout entre Nantes et Nancy. 0-0 entre Dijon et Metz. Enfin, Toulouse a battu Guingamp 2-1. Belle opération toulousaine. Pourtant, le coach Pascal Duprat a quelques griefs contre ses supporters. Le public, pas assez nombreux à mon goût. Alors, bien sûr, les maillots réversibles vont être de retour contre PSG. Là, on va avoir 33 000. Les mecs pour qui j'ai aucune considération. Parce qu'ils viennent une fois au match dans l'année. Très franchement, ces joueurs de foot-là, ils restent sur 6 victoires pour une défaite contre l'OL. Ils méritent davantage que les superbes supporters que nous avons eus ce soir. Vendredi, on va avoir donc le stade plein avec des types, de temps en temps, qui vont avoir des moufles. On va pas les entendre. Et ça me fait joyeusement chier. Voilà le franc-parler de Pascal Duprat à la fin de cette cinquième journée. C'est aujourd'hui avec notamment ce soir un alléchant olympique de Marseille, olympique lyonnais. Il va falloir batailler ferme la Coupe Davis de tennis, demi-finale. Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur aujourd'hui. Ils doivent remporter les deux simples puisque la Croatie a pris les devants hier. A pris les devants 2-1 grâce à sa victoire en double. Nicolas Mahut, l'un des joueurs de double français, est forcément dépité. Triste forcément, déçu également parce qu'on voulait vraiment apporter ce point à l'équipe de France. Mais voilà, c'est ce qu'on se disait dans le vestiaire, on a des choses qu'on peut améliorer en tant qu'équipe pour être meilleur. Mais aujourd'hui, on a donné tout ce qu'on pouvait, on a vraiment lutté tout le temps, du début à la fin avec Pierrug, avec Yann sur la chaise. Et il faut aussi reconnaître qu'on est tombé sur une très belle équipe croate. Et puis le top 14 de rugby, 5e journée des victoires hier pour Lyon, Montpellier, Brive, Pau et Clermont. Aujourd'hui, revanche de la finale de l'an dernier, Racing 92, Toulon. Ce sont les Franciliens qui avaient gagné et ça, les Varois l'ont toujours en travers la gorge, Jean-François Patureau. Oui, la douleur est encore vive pour trois quarts centre Toulon et Maxime Mermoz. Elle n'est pas prête de disparaître. Ah, c'est comme quand tu fais une blessure, tu as une cicatrice toute ta vie et tous les jours, tu vas pas repenser à la douleur que tu as eue. Tu sais que tu l'as eue, tu travailles pour plus en avoir d'autres et voilà. Balayé la semaine dernière à Clermont, le Racing doit aussi réagir à domicile et ça ne sera pas simple face à un RCT qui vient de gagner à Toulouse. L'ailier argentin Juan Imhoff se méfie. Toulon, c'est une équipe qui impressionne, bien sûr. Il y a des joueurs qui jouent encore à Toulon qui étaient des idoles quand j'étais plus petit. Forcément, c'est une équipe qui inspire la classe, quoi. Et les joueurs joueurs toulonnais seraient bien inspirés de s'imposer, au moins pour sauver la tête de leur entraîneur. Diego Dominguez est toujours en sursis, mais peut compter sur le soutien de son capitaine Guillaume Guirado. Vous inquiétez pas pour Diego, il a son mot à dire et il a son caractère aussi. Mais en cas de défaite, le président Mourad Boudjelal pourrait tout de même agir. Voilà, et Racing 92 Toulon, ce sera évidemment à suivre sur RMC aujourd'hui, tout comme le Grand Prix de Singapour. Rendez-vous 14h, le départ, Nico Rosberg en pole position. François Sorel, bonjour, bonjour Thomas. Tout va bien ? Mais écoutez, tout va bien. Et il y a un tiercé cet après-midi. Absolument. Tiercé quarté quinté plus, ce sera à Vincennes. Les pronostics de la Dream Team. Sébastien Darras nous conseille de retenir le 4 Pionnier Gare et l'As Vestal du Goutier. Brahim Asloum reste fidèle au 14 Univers de Dédou. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 7 Victime du Pomereux et le 8 Vasco de Viette. Nous avons donc le 4, l'As, le 14, le 7 et le 8. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Et c'est parti, 6h10, c'est RMC. Et c'est le week-end des experts du dimanche. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Nous allons passer cette matinée ensemble avec tout à l'heure l'automobile et Jean-Luc Moreau, bien évidemment. Vous l'attendez, il sera là. Jean-Luc, entre 8 et 10, il répondra bien sûr à toutes vos questions auto, bien évidemment, au 32-16. Et on évoquera entre autres, vous savez, tous ces systèmes d'infodivertissement qui sont en voiture, les GPS, les écrans tactiles sur les tableaux de bord, etc. Est-ce que c'est un progrès ou c'est un danger ? Parce que c'est vrai que on peut se mettre parfois, comment dirais-je, un petit peu dans la panade en manipulant tous ces appareils alors qu'on est en train de conduire. Voilà. Donc on en parlera longuement tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau et nos invités. Et puis on s'intéressera aussi à une enquête nationale Ipsos sur les Français, la mobilité électrique et l'actualité de la semaine dans le domaine de l'auto. Il y aura l'essai de la semaine, les bons plans auto et vos questions auto à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, comme chaque dimanche, on débute cette matinée avec elle. Et c'est un vrai plaisir que de la retrouver. Vous le savez, elle est venue avec son arche de Noé. Elle, c'est Laetitia Barlera. Bonjour, la Tatia. Bonjour. J'allumais mon micro. Hein. C'est un peu long hein, ce matin, c'est ça. C'est bonjour, François. Bonjour. Voilà, faut que je me chauffe. Bonjour, François. Bonjour à tous. Laetitia, notre vétérinaire. Et oui, nous avons la chance d'avoir Laetitia tous les dimanches matin sur RMC entre 6h et 8h en direct. Et elle répond à toutes vos questions animaux. Vous êtes passionné, amoureux des animaux. Sachez que RMC a pensé à vous et vous propose une émission spéciale chaque dimanche 6-8. Laetitia, les questions des auditeurs dans un instant. Notre quiz de la vie privée des animaux. Et au menu de la deuxième heure, plein de choses. On va parler de la domestication, la sélection des races et des rôles. Et oui, comment le chien a évolué aux côtés de l'homme. On parle de l'évolution de l'homme, mais et l'évolution du chien. Comment un chien a donné plus de 400 races quand même, hein, du chihuahua au dog allemand. Enfin, l'homme est passé par là aussi. Voilà, et comment a-t-il été domestiqué. Voilà, on va revenir un petit peu sur l'évolution de l'homme et l'évolution aussi des rôles des chiens qui sont devenus chiens de chasse, chiens de berger, chiens de compagnie. Et chiens voilà. Guides aussi, on et en parlera chien d'ailleurs. Chiens guides, parce que à partir de demain débute la semaine du chien guide et nous aurons avec nous Gaëlle Reynaud qui est une personne qui a justement un chien guide et qui étudie l'ostéopathie animale. Tiens. Marrant, on verra ça tout à l'heure. On évoquera aussi le loup, Laetitia, tout à l'heure. Et oui, nous serons avec une consoeur vétérinaire qui a fait des propositions pour, qui a essayé d'apporter des solutions, en tout cas, avec le syndicat vétérinaire pour régler cette problématique de cohabitation entre le loup et les bergers. Et nous verrons avec elle, justement, parce que vous savez que le ministère a encore décidé d'autoriser le tir de loup. D'ailleurs, mais la Norvège. Pour réguler la population, aussi, en fait, c'est ça? Voilà, la Norvège aussi a décidé, a pris un petit peu le pas de la France pour décider de tir de loup. Alors, est-ce que c'est la solution ou pas? On en parlera. On en parle tout à l'heure. Et puis, on s'intéressera aussi aux dangers, parfois, des animaux qui traversent les routes de manière inopinée. Ça peut provoquer des drames, hein, bien sûr. Alors, pour eux, mais aussi pour les automobilistes. Et oui, les collisions entre la faune sauvage et les voitures, c'est terrible, c'est hein, parfois. Un problème. Eh bien, on a peut-être une solution. Avec des radars. Des radars. C'est alors, génial, ça. Pour une fois que pour les radars. Pour une fois que les radars, voilà. Hein, ils vont pas nous flasher, ils vont flasher les animaux, maintenant. Alors, ils vont peut-être. vous allez voir, justement, c'est inédit en France. Eh bien, on en parlera ça tout à l'heure. Ça se passe dans l'Isère et peut-être que ça va être généralisé à la France entière. Voilà le menu de ce rendez-vous animaux. Merci d'être avec nous. En priorité, vous le savez, vos questions animaux, profitez-en. Vous pouvez joindre ce matin notre vétérinaire 3216animaux@rmc.fr. Petite précision, comme d'habitude, si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone et on vous rappelle dans la foulée. Yvonne, pour débuter, est avec nous. Bonjour Yvonne. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bonjour, bonjour Yvonne. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez un petit chihuahua? Oui. Comment s'appelle-t-il? Lotus. Lotus. Lotus. Oui. Et, oui, il était dans sa corbeille, il a bien entendu son nom, il se lève. Ah bah il se lève, bah oui. Oui, oui. Ah, ça tient compagnie. C'est mignon, hein? Oui, adorable il est. Et ça a, du, ça a du caractère aussi, le chihuahua. Oui, n'est-ce pas? Il est un peu têtu. Ah oui. N'est-ce pas? Vous savez, Yvonne, vous savez que Laetitia a un chihuahua aussi. Ah oui. Vous ne le saviez pas? Non. Ah ben voilà, elle s'appelle Andy. Est-ce que vous permettez deux petites minutes parce que j'ai mis quelque chose sur le feu, j'ai peur que ça grille. Ah oui, non, bah oui, ça, non, c'est enlever embêtant. Enlever le lait sur le feu. Oui. Moi, ça, vous savez qu'une fois, moi aussi, comme ça, j'appelais la radio et puis j'avais un truc qui était en train de griller sur le feu. Voilà. Donc j'ai laissé tomber l'animateur et le voilà et puis je suis allé éteindre le feu, j'ai touillé tout ça et puis je suis revenu. Voilà. Ça arrive, hein, parfois. Bah, ça arrive. Mais vous savez, c'est pour ça que j'adore la radio parce que la radio, voilà, c'est en direct et c'est spontané. Oui, bon, j'attendais j'étais à mon poste parce que je vous écoute tous les matins. Ah d'accord. Bon, qu'est-ce qui était en train de griller là, Yvonne? Là, c'était pour faire du caramel. Alors, fallait pas quand même. Ah, non, très important, la température du caramel. Oui. Des fois, c'est trop tard ou c'est trop tôt, donc c'est très important de surveiller. Très attention. Vous n'avez pas une séance de piscine là, ça va? Non. Bon, alors Yvonne, restez avec nous. Parlez-nous de Lotus. Qu'est-ce qui lui arrive? Lotus, c'est parce que je vous laisse. Bon, il aboie dans la rue. Il aboie dans la rue. Oui, et mon mari l'a perdu la semaine dernière. C'est sûr que pauvre petite bête, il a eu ce choc sûrement. Et parce que mon mari a la maladie d'Alzheimer. Le temps que j'aille juste à Monoprix, que je reviens, j'ai été partie. Le chien était plus là. Minutes. Oui. Il est sorti. Et il a pris le petit chien dans les bras. Oui. Et il est parti. J'ai fait toutes les retours. Arrivé 9h, j'ai téléphoné au commissariat de police. Alors, Yvonne, on s'éloigne un petit peu du sujet. Parce qu'on va parler de votre chien. Qu'est-ce qu'il a particulièrement? Pourquoi vous nous avez appelé ce matin? J'ai appelé parce que je voudrais savoir. Mon petit chien, il mange de tout. Il mange ce que je mange moi-même. Il faut qu'il voie dans l'assiette ce que j'ai. D'accord. Et... parce que je lui donne à manger avant. Mais pareil que nous. Eh bien, non. Et il vient, il se met sur ses deux petites pattes derrière et il lève les petites pattes en me disant « Tu vas me donner ce que j'ai dans ton assiette. » Et votre question est quoi? Eh bien, je voulais savoir si d'autres petits chihuahuas font exactement ce geste. Bon alors, Yvonne. Oui. Alors, pourquoi il veut manger dans votre assiette? C'est pas une histoire de chihuahua ou d'autres races, c'est une histoire de chien. C'est toujours meilleur dans la gamelle de l'autre. D'abord. Hein, comme moi, je ne mangerai pas dans votre assiette, Laetitia, si on était ensemble. Je me mets à la place d'un chien. Ah oui, d'accord. Donc, votre chien voit... Sauf si vous ne finissez pas votre assiette et que ça me plaît. Là, je me permettrai, peut-être. Alors, pourquoi il veut manger dans votre... parce que je pense qu'il vous mène par le bout du nez, Yvonne, votre chihuahua. Vous adorez votre chien, ce qui est normal. Mais je pense qu'il en profite un petit peu. Il en profite un peu. Donc, vous lui donnez à manger avant, bien sûr, il veut manger dans votre assiette. Et en plus, vous ne dites rien. Donc il vous teste à chaque fois. Et oui. Il essaye de trouver un petit peu sa place chez vous, la place dans votre maison. Et puis là, ben voilà, c'est le roi à la maison. Donc que le roi à la maison, il mange où il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut, il demande des câlins quand il veut. Et là, je pense qu'Yvonne, vous reconnaissez votre chien. Quand il veut pas être câliné, il s'en va. Mais quand il veut être câliné, il demande ses câlins. Et oui. Et oui. Et il demande à dormir avec vous. Il demande, voilà, ça c'est le chien roi. Donc je pense, Yvonne, que votre chien, c'est le chien roi. Faites attention parce que les chiens rois, bien souvent, ils sont les rois à la maison, mais dehors, ils ont très peur. Donc, oui, parce qu'ils sont plus dans leur élément. Ils sont plus dans leur élément et ils se sentent pas protégés. Et oui. Puisqu'ils sont les rois à la maison. Mais à l'extérieur, ils sont pas forcément les rois. Et voilà. Et voilà. Donc c'est pour ça, Yvonne, qu'il vaut mieux qu'il soit pas le roi à la maison, justement. Mm-hmm. Alors que ça soit votre chien, que vous le câliniez, que vous l'aimiez, certes. C'est normal. Mais, essayez de ne rien lui donner à table, et ça c'est vraiment la règle, d'autant plus que en lui donnant à manger ce que vous mangez, il va grossir, il va avoir des problèmes de santé. Un chien, ça doit manger une nourriture faite pour le chien et non pas ce que nous on mange, hein, c'est pas un humain, c'est pas un omnivore. Demandez à votre vétérinaire par rapport à ce que vous lui donnez si c'est équilibré ou pas, parce que quand on donne à manger ce qu'on nous on mange, on est très vite dans le déséquilibre alimentaire et donc dans l'excès voire dans les carences, et donc ça se paye plus tard. Quand vous mangez, il ne mange pas avec vous puisque vous mangez vous avec votre mari et votre chien est plus loin, vous regarde éventuellement mais il ne quémande pas. Et vous lui donnez à manger après vous. D'accord. Comme ça, il va comprendre qu'il doit attendre. Voilà. Très bien. Yvonne, merci beaucoup. Et tenez-nous au courant. Il est 6h19, c'était RMC. Et bon caramel. Oui, bon caramel. Ça donne envie de manger du caramel. Eh ben oui. Hein ? Enfin, pas comme ça, mais non, sur... Non, pas comme ça. Je sais pas, peut-être une tarte tatin. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, on revient dans un instant parce que là on s'égare, Laetitia. parce qu'en plus, je suis pas sûr que là où, à l'étage des RMC, il y ait beaucoup de caramel. Donc, voilà. On revient dans un instant avec notre quiz de la vie privée des animaux et vos questions au 32 16. Si tout comme Yvonne, vous voulez nous joindre, n'hésitez pas. À tout de suite. RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC. Deux points. Deux petits points séparent Nico Rosberg de Lewis Hamilton, leader du classement pilote. Ce week-end, les Formule 1 roulent de nuit à Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour. Cet après-midi à 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, 6h20, le retour du week-end des experts, les animaux. À noter que dans quelques minutes, vous retrouverez la météo, les infos de 6h30. Laetitia Barlerin, attention, est-ce que vous êtes prête pour le quiz de la vie privée des animaux? Eh oui, je Alors, suis on prête. Alors, on y va? Oui. Attention, parce que vous le savez, Laetitia prend quand même un malin plaisir, chaque dimanche matin, à me poser sa question. En espérant secrètement que je n'ai pas la réponse. Eh oui, mais je pense que vous n'avez pas la réponse. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est fini la baballe pour le chien ou la canne à pêche pour le chat. Dorénavant, et ça se passe à Montréal, pour divertir vos animaux de compagnie, vous pouvez leur offrir quelque chose de plus original que la baballe. Ah, d'accord. Quelque chose de plus original qu'une baballe pour les divertir. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Un drone. Non, c'est pas un objet. C'est pas un objet? Non. D'accord. J'ai trois propositions. Alors, on y va. Soit un concert classique pour animaux. Un concert classique pour animaux. Soit un théâtre pour animaux. Un théâtre. Soit une fête foraine pour animaux. Ah oui, bien sûr. Ça, évidemment, comme ça, n'a pas fait les gros titres de l'actualité. Je suis pas au courant. Voilà, il n'y a pas eu, si vous voulez, un breaking news sur BFM TV en disant « Attention, la dépêche vient de tomber, voilà, et on ben va voilà. divertir les chiens différemment à Montréal. » Il n'y a pas eu ça, donc je ne suis pas au courant. Eh ben voilà, vous devriez être au courant. Voilà. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir. Les auditeurs vont peut-être m'aider. Si vous qui nous écoutez avez une petite idée, animaux@rmc.fr, uniquement par mail, vous nous laissez votre proposition concernant ce quiz de la vie privée des animaux. Et on y reviendra après la météo et les infos de 6h30. Mais aidez-moi parce que franchement, j'en ai aucune idée. Et on enchaîne avec Laurence qui est là. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Je me permets de vous appeler parce que j'ai un Golden Retriever femelle qui a 8 ans, qui s'appelle Dune. Oui. Et que lorsque mes petits-enfants vont à la piscine, disons, elle veut à tout prix qu'ils remontent de la piscine. Quand ils remontent par l'échelle, elle les prend par les poignets pour les remonter. Lorsqu'ils veulent plonger, elle se met devant eux pour les empêcher de plonger. Et elle tourne, et elle aboie. Alors je voulais savoir si c'était un comportement normal ou pas. ça arrive chez... pas mal de chiens de comme ça s'exciter autour de la piscine quand les enfants sont dans la piscine. Alors il y a d'abord deux choses. Il y a d'abord ce qui est excitant, c'est la piscine et l'eau, bien entendu, hein, parce que ça fait du bruit et puis voilà, c'est un élément un petit peu à part. Et puis les cris, les jeux des enfants aussi, ça les excite. Et puis alors il y a surtout, alors je sais pas si vous avez déjà vu quand deux chiens se chamaillent. Je dis bien se chamaillent, je dis pas qu'ils chamaillent parce qu'ils jouent et puis à un moment ça dégénère, ça se chamaille. Ouais. S'il y a un troisième chien, il est toujours là pour faire la maîtresse d'école, pour les séparer. c'est dingue ça. C'est vrai. L'arbitre. Il fait la vie, voilà. Et j'ai même vu aussi quand deux chats se battaient, ou même quand par exemple deux chatons se battent, la maîtresse d'école, c'est souvent la mère, qui les sépare. Mmh. Hein? Parce que chez les animaux, c'est vrai que ils essayent de ne pas avoir de conflit, parce que le conflit c'est une dépense d'énergie. Donc pour la tranquillité, l'équilibre d'une famille, d'une meute, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de conflit. Et donc il y a toujours un tierce individu qui intervient pour arrêter ce conflit. Je vous explique ça pourquoi. Parce que quand des enfants jouent dans la piscine, il y a des cris. Les chiens ça les inquiète parce qu'ils se disent est-ce qu'il y a un conflit entre deux, vous savez c'est comme deux enfants des fois qui sont en train de jouer ensemble et puis ça crie dans tous les sens vous avez vu votre chien peut-être à ce moment-là qui est pas normal, qui les regarde, qui est un peu soucieux de savoir ce qui se passe. Moins apparent qu'à la piscine, parce que c'est vrai qu'à la piscine La piscine il y a beaucoup de bruit, ça crie, ça bouge, il y a de l'eau, voilà, et c'est vrai que c'est aussi stressant la piscine pour un chien. Donc vous avez le stress de voir les enfants qui chamaillent avec l'élément l'eau, la piscine aussi qui est stressant. Donc le chien elle ne va pas dans l'eau quoi, parce que c'est un golden. Bon, elle adore l'eau hein, puisque au jardin de la Fontaine à Nîmes elle est sans arrêt à descendre dans l'eau puis à regarder les cygnes disons. Oui. Oui, c'est un golden donc c'est vrai. Bah oui, c'est un golden. Ah oui, sans rien dire, mais là, c'est vrai qu'elle... Ouais, mais il y a quand même aussi des chiens qui veulent sauver les enfants qui sont dans l'eau. Il y a des chiens qui, un petit peu comme s'ils voyaient un chiot dans l'eau se noyer, ils veulent le sauver, vous voyez. Il y a ça aussi. Elle les prend par les poignets, pour les faire remonter, puis elle les laisse après, c'est curieux. Donc c'est un comportement normal. Normal. Donc comme je vous dis, il y a le fait que, entre guillemets, les petits se chamaillent et un chien ne peut pas supporter justement que dans sa famille, comme ça se chamaille, il veut faire le maître d'école. Il y a la peur aussi parce qu'il y a l'élément l'eau, de l'eau, et elle ne sait pas s'ils vont pas se noyer, s'il n'y a pas un danger. Elle sent qu'il y a un danger puisque c'est un élément qui n'est pas normal. Il faut l'interdire d'aboyer, il faut la disputer pour qu'elle arrête d'aboyer ou pas Parce que c'est vrai que là, elle aboie, elle arrête pas, quoi. Ben, normalement, faut lui dire, voilà, vous êtes là, faut la rassurer, parce que vous êtes la maîtresse de maison, et vous lui dites, non, mais là, il n'y a pas de danger, voilà, donc, arrête-toi. À la limite, oui. Voilà, c'est à vous. Bien. Alors, c'est pas aux enfants de le dire. C'est à vous. D'accord. Hein, voilà. Les enfants ne doivent pas intervenir là-dedans. C'est à vous d'arriver vers elle, de la prendre, et vraiment lui dire, tais-toi, et de la rassurer en disant, voilà, tout est sous contrôle, c'est moi qui contrôle et c'est mieux que vous soyez là parce que ça elle va pas comprendre si vous êtes pas là puisqu'elle va être elle va faire cette maîtresse d'école et donc vraiment il faut que vous lui la rassuriez en disant que vous êtes là et vous surveillez les enfants, qu'il y a pas de chamaillerie et que tout va bien. Oui, mais parce que quand on se baigne avec mon mari qu'il n'y a pas mes petits-enfants, disons c'est vrai qu'elle bouge pas quoi. Ouais, mais essayez de vous chamailler avec votre mari dans la piscine. Vous allez voir. Alors là, ça va être sympa. elle va remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Mais c'est normal. Les chiens, enfin surtout les Golden Retriever, adorent les enfants, donc ils sont assez protecteurs avec les enfants, donc ils veulent intervenir, ce qui est normal. C'est un chat merveilleux, le Golden, sincèrement. Ah, c'est vrai. Merci Laurence pour votre appel. Merci Laurence. Bon dimanche. Hein. Laetitia, il est bientôt 6h30. Alors on va se retrouver dans un instant, après la météo, après les infos de 6h30. On aura la réponse au quiz de la vie privée des animaux. Pour l'instant, vous m'aidez pas beaucoup hein, sur le mail animaux@rmc.fr. Je me sens un peu seul. J'ai deux, trois propositions. Laetitia est en train de la jubiler, mais c'est normal. Ah, j'ai peut-être gagné aujourd'hui. Hein. Et puis n'hésitez pas à nous appeler surtout pour poser vos questions animaux. 3216 ou animaux@rmc.fr. On vous attend, on vous retrouve dans quelques instants après la météo et les infos. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby. Portes ouvertes ce week-end avec nouvelle Mégane. Son loyer à partir de 199€ par mois et encore plus fort, une reprise Argus plus 3500€. French Touch touche française. Offre pour nouvelle Mégane Life Energy TCE 100 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1 800 euros si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Mardi, la Ligue Nationale de Basket présente le Vendée Basket Show LNB au Vendespace avec RMC. Le champion de France en titre, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, affronte le vainqueur de la Coupe de France, le Mansart Basket, pour décrocher le premier trophée de la saison. Profitez également d'une rencontre de gala entre le club historique du Limoges CSP et l'équipe espagnole de Valencia. Réservez dès maintenant sur www.vendespace.vendée.fr. Le Vendée Basket Show LNB, mardi au Vendespace avec RMC. Allez, un coup d'œil sur la météo de votre dimanche. C'est avec Kevin Fleury. Bonjour Kevin. Bonjour François. La pluie tombe assez fortement en ce moment sur les régions de l'Est de la France, dans le secteur de Metz, de Strasbourg, de Troyes. Des précipitations qui vont se décaler dans ces prochaines heures sur l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, où l'on pourrait avoir d'ailleurs un petit peu de neige dès 2200 mètres d'altitude. D'ailleurs, le temps est plutôt à l'amélioration, malgré encore quelques averses, notamment sur la Corse, où un orage n'est pas exclu. Du soleil, en revanche, en Méditerranée et sur la façade atlantique. Les températures très fraîche cet après-midi, notamment encore une fois dans le secteur d'Aurillac. 13 degrés, pas plus. 15 à Clermont-Ferrand. Il fera 17 degrés à Grenoble, 18 à Metz et Strasbourg, 19 à La Rochelle, 20 degrés pour Brest et Bayonne, 22 degrés à Lille et Avignon, 23 à Nice et Bastia, 24 à Cannes et au Castellet, et jusqu'à 25 degrés tout de même pour Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, il est précisément 6h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. C'est l'actualité de la nuit à New York. Très violente explosion dans le centre, dans le quartier à la mode de Chelsea. Acte intentionnel, dit ce matin le maire de la ville. 29 personnes ont été blessées, l'une l'est gravement. Les États-Unis qui ont commis une erreur, ce sont les autorités militaires qui l'avouent. Une erreur lorsqu'ils ont décidé de frapper en Syrie, dans la province de Deir ez-Zor. Plusieurs dizaines de soldats syriens ont été tués. La Russie dénonce, Washington explique qu'il pensait frapper un groupe de soldats de l'État islamique. Plusieurs heures d'effroi au cœur de Paris. C'était hier après-midi, alerte attentat. Pendant de longues minutes, la police et les personnes sur place ont pensé à une prise d'otage dans une église proche de Châtelet-Léal. Finalement, c'était une fausse alerte. Mesure de prévention au sein de la prison d'Osny dans le Val d'Oise. 4 détenus radicalisés ont été transférés dans 4 établissements distincts. Ils auraient proféré des menaces contre des surveillants. Il y a 2 semaines, 2 de ces surveillants avaient été violemment agressés. 300 hectares de calanques partis en fumée. C'était début septembre, porte de Marseille. Ce matin, c'est un mineur de 15 ans qui est en détention. Il a reconnu être à l'origine de l'incendie. Il aurait voulu essayer un briquet qu'il avait trouvé. Les sports et les Bleus du tennis dos au mur, menés 2-1 par la Croatie en demi-finale de Coupe Davis. Le double a perdu hier. Il faudra gagner les deux simples aujourd'hui pour espérer se qualifier pour la finale. Le football, Monaco, toujours intraitable. Victoire 3-0 hier face à Rennes. Et l'ASM est leader de Ligue 1. Des victoires pour Angers, Lorient et Toulouse hier soir. Et puis rendez-vous Formule 1 ce dimanche, 14h sur RMC Grand Prix de Singapour et Nico Rosberg en pole position. 6h31 sur RMC. Vous êtes avec Laetitia Barlerin et François Sorel, vos animaux. Merci beaucoup Thomas et on vous retrouve tout à l'heure à 7h, bien évidemment. Et d'ici là, vos questions animaux au 3216 ou bien animaux@rmc.fr, profitez-en. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous exclusif RMC. Un seul RMC vous propose 2 heures dédiées aux animaux. A tout de suite. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Laetitia Barlerin, toujours à mes côtés, notre vétérinaire qui chaque dimanche est là, m'accompagne, 6h, 8h, et pendant 2h, on discute, on échange sur votre passion qui est peut-être celle des animaux. Un rendez-vous, voilà, conçu pour les amoureux des animaux tous les dimanches sur RMC. Profitez-en pour nous appeler le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Dans quelques instants, ça sera notre quiz de la vie privée des animaux, la Tiatia. Peut-être un parc d'attractions pour chiens à Montréal ? Non, un concert classique, un théâtre ou une fête foraine pour chiens. Ouais, fête foraine, c'est un parc d'attractions, non ? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, la fête foraine. On mange pas les barbes à papa, tout ça. Train fantôme. Le train fantôme avec le chien qui a peur, avec ses oreilles qui volent comme ça. Bon, on va retrouver la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux dans un instant. Si vous avez une petite idée d'ailleurs concernant ces 3 propositions, n'hésitez pas à m'aider parce que là pour l'instant, je sèche. animaux@rmc.fr. On en parle dans une minute, mais auparavant, c'est Johan qu'on retrouve. Johan, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Johan. Bienvenue, Johan. Merci, merci, merci. Et on vous écoute. Oui, donc moi, alors, je suis le propriétaire d'un American Staff depuis bientôt 8 mois. Oui. Et donc, j'ai appris un peu à découvrir le monde de l'univers du chien en même temps que mon propre chien. C'est-à-dire que c'est votre premier chien ? Oui, c'est mon premier chien, oui. Ah oui, ah, et puis vous avez pris un chien En fait, ça a été un coup de cœur, en fait. Ça a été vraiment un coup de cœur. Oui. Et donc, tout de suite, ça a accroché avec moi, avec mon fils aussi. Oui. C'est une femelle ou un mâle ? Femelle. D'accord. Et du coup, on a décidé de le prendre. On n'était vraiment pas parti de base sur ça. Et je suis vraiment étonné de mois en mois, de voir comment l'évolution de ma chienne, voir comment elle évolue, tout ça. Et la mauvaise image qu'ils ont vraiment totalement... qui est vraiment pour moi erronée à ce jour, quoi, quand je vois Oui, mais vous savez, voilà, tous les chiens, les molosses, ont une mauvaise image due à cette loi. Alors que les pauvres, c'est des délits de faciès, quoi, alors qu'ils y sont pour rien. Et c'est vraiment un délit de faciès. Alors moi, ce que je conseille à tous ceux qui ont ces chiens-là, c'est de les embellir par exemple, un bandana ou même, vous savez, moi, je connais quelqu'un qui a un Rottweiler. Oui. Vraiment un amour de chien et qui avait des problèmes dans la rue. Les gens, ils avaient peur, ils disaient oui, mais votre chien, tenez-le, machin, il est méchant là. Mm-hmm. Jusqu'au jour où il a mis des petites tétines, vous savez, pour les enfants là, quoi, à son collier. Et du coup, ça a changé la vision du chien. Enfin, et les gens, ils disaient il est mignon, il est gentil, il est voilà. Donc, vous voyez, mettez des petites choses sur son collier qui disent que d'abord que c'est une femelle et qu'elle est mignonne. Voilà, c'est tout bête, mais c'est des accessoires qui font que ça change le regard des gens sur votre chien. C'est vrai. Et après, le seul problème, c'est tout ce qui est côté administratif, par contre, parce que moi, j'ai un staff catégorie 1. Mmh. Et ça demande administrativement derrière pas mal de temps et de parce que elle a pas les papiers. Non, voilà, c'est le seul problème. Et donc elle a inséminé un pitbull. Voilà, donc j'ai dû faire tous les papiers, tout l'assurance et tout. Vous allez la faire stériliser. Oui, là ça y est, là j'ai déjà rendez-vous déjà. Mmh. Et donc malheureusement c'est le problème, c'est cette mauvaise image que je trouve vraiment dommage pour un chien qui a rien demandé en fait. Eh ben oui, je sais bien. Mais nous, vous savez, nous vétérinaires, depuis toutes ces années, depuis qu'ils ont mis en place cette loi sur les chiens catégorisés 1 ou 2, où il y a les pitbulls, il y a les Amstaff, il y a les Rottweilers, on se bat contre ça. D'autant plus que ça a eu aucune conséquence positive, au contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'on oblige, par exemple, ces chiens-là à être tenus en laisse, à être muselés. Voilà. Et donc, du coup. Déjà, quand vous croisez un chien dans la rue muselé, vous dites oulala, il est méchant. Pour la crainte qui est en face. Voilà. Donc je retiens mon chien et je passe mon trottoir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces chiens, on les rend asociaux, c'est-à-dire que ils ne peuvent plus avoir de contact positif, non seulement avec des êtres humains étrangers, mais aussi avec des chiens. Donc ils commencent et comme les autres ont peur, c'est un chien qui commence à avoir peur de l'étranger. Et qui peut devenir justement agressif. C'est-à-dire, c'est un peu le voilà. C'est on va justement à l'encontre de ce que voulait cette loi, c'est-à-dire protéger les gens, c'est qu'on en fait des chiens qui deviennent peureux et agressifs. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, je trouve ça vraiment dommage. Oui. Et je voulais réagir justement à votre antenne parce que c'est un chien que je trouve qui subit son image, alors que la mienne est vraiment douce comme tout. Mmh. J'ai jamais eu de problème ou quoi. Donc c'est vrai qu'aux alentours de notre résidence, les voisins au début ont eu peur. Bah oui. Et maintenant, non. Au fur et à mesure des mois, maintenant c'est limite. C'est pas les premiers à venir vers elle, alors que des fois je suis un peu réticent parce que c'est pas facile aussi, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, j'avais une voisine avec moi qui n'osait pas prendre l'ascenseur avec nous, ouais. Et maintenant elle le prend facilement sans problème, quoi. Ouais. Mais ça, c'est le problème, hein, c'est le problème de cette loi et de la. Voilà, C'est bien parce que vous contribuez à rendre ces races populaires et sympas. C'est bien, Johan. Il y a des associations d'ailleurs je tenais à réagir à votre problème parce que ça me tient vraiment à cœur. Cela dit, après il y a l'inverse de ce que vous êtes, c'est-à-dire qu'il y a des abrutis, on peut le dire quand même, hein, Laetitia. Oui, c'est vrai. Voilà. Qui vont être très agressifs avec ces chiens-là, qui vont les rendre agressifs. Mais avec n'importe quel chien, est une arme. Tout à fait. À partir du moment où le chien il a une mâchoire et des dents, c'est une arme. Exactement. Mais c'est vrai qu'on se sert de ces chiens-là parce que c'est vrai qu'ils sont massifs, costauds, musclés. Et voilà. Que certaines personnes utilisent à l'opposé de vous, il y a des abrutis. Quand on regarde les statistiques des morsures en France, des morsures de chiens en France, et qu'on s'intéresse un petit peu aux chiens qui ont mordu, et bien souvent ces statistiques sont des morsures d'enfants, parce que c'est des statistiques qu'on a fait à l'hôpital où les enfants vont quand ils sont mordus, bien entendu. Mmh. En premier, il n'y a pas l'American Staff, il n'y a pas le Pitbull. J'étais tombé justement sur ce résultat et j'étais surpris de voir que c'était le berger allemand. Le berger, croisé berger, et les labradors. Ben voilà. Alors qu'on dit que c'est des chiens, il y a beaucoup plus de labradors, Laetitia. Et voilà. Il y a deux choses. C'est qu'il y a beaucoup plus de labradors en circulation, bien sûr, en France, puisque c'est un des chiens préférés des Français. Et deuxième chose, il y a aussi l'effet pervers du côté gentil. Le fait qu'on pense que le labrador est un chien gentil. Or, si on pense que le labrador est foncièrement gentil, ce qui est bien sûr. Ce sont des chiens qui sont mal élevés aussi. C'est-à-dire que ces chiens qui ont mordu, bien souvent on est passé outre leur éducation, et c'est des chiens qui il y a eu, comme c'est des chiens à la mode, c'est des chiens qui sont nés dans des élevages pas recommandés, qui sont fragiles, qui sont anxieux, etc., et qui peuvent passer à l'acte de mordre. Alors que des chiens comme le vôtre, comme il y a toute le côté administratif, etc., ce sont des chiens, quand on prend ce chien-là, on réfléchit. On se dit, il va y avoir les contraintes. Et donc, du coup, on s'investit dans l'éducation aussi de ce chien. Et je pense que vous êtes bien investi dans l'éducation. Et moi, tous les amstaff que je vois, ils sont super bien éduqués. Ils répondent au doigt et à l'œil et ils sont super mignons. Enfin, voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est bien que vous nous ayez appelé pour témoigner, Johan. Il n'y a pas de souci, je souhaitais défendre la cause de ce chien qui n'a rien demandé au final. On peut vous demander une dernière chose? Oui. C'est une photo quand même de votre chienne. Ah oui, ça serait cool. Oui, vous pouvez nous envoyer ça par mail. On va vous donner le mail en antenne. Vous nous l'envoyez, on la mettra sur la page Facebook de vos animaux. Voilà. Ok, il y a pas de souci, je vous envoie ça. Merci Johan. Merci Johan. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Important, le témoignage de Johan. Très important. Il faut faire évoluer les choses. Alors, ça évolue pas, mais nous, on a fait vraiment des comptes rendus de toutes ces années d'application de cette loi, parce que une loi, on peut revenir sur une loi parce que ça a pas les conclusions qu'on attendait. Les résultats, c'est négatif. Voilà. Voilà, on en reparlera sans doute. Dans un instant, c'est Nicolas que nous aurons au téléphone, Laetitia, qui a un persan de 3 ans. Il vient d'avoir un chaton et il a remarqué que le persan avait changé son comportement. Ah, ça arrive. Voilà, ça peut arriver, on en parle dans quelques instants. Mais auparavant les amis, hop là, notre quiz de la vie privée des animaux. Laetitia Barlerin nous emmène du côté de Montréal ce matin. C'est tellement sympa, Montréal. Et justement, c'est tellement... Je suis tellement content d'être là. Voilà, et je pense que les animaux sont très contents aussi parce qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir un autre divertissement que d'aller, chercher la baballe, chercher la petite souris en plastique, parce qu'on leur propose quelque chose d'original. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est soit un concert classique pour animaux, soit du théâtre pour animaux, soit une fête foraine réservée aux animaux. Laetitia, je sèche. Je vous le dis tout de suite, là, je ne tergiverse pas. Nous avons Laurence à qui on fait un gros bisou, qui pense au concert classique. Nous avons Valérie à qui on fait un gros bisou aussi, qui pense au théâtre. Voilà, mais ça part dans tous les sens. Et donc, je ne sais pas trop. Moi, j'ai bien envie de penser à la fête foraine. Je trouve ça sympa. Une fête foraine pour animaux. Bon, de temps en temps, je mangerai un beignet ou... Petite barbe à papa. Barbe à papa. Hein ? Pomme d'amour. Voilà. Alors là, tout de suite, notre réalisateur pense aux churros au Nutella. Mais là, c'est l'extrême. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Là, c'est l'extrême. On est en haut, là. Bon, allez, la fête foraine, la tia-tia. Mais alors, franchement, sans grande conviction, et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est votre dernier mot. Eh oui. Yes, j'ai gagné. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais c'est une bonne idée. c'est une bonne idée, pourquoi pas. Train fantôme avec les chiens commandants, c'est ça. Bon, alors maintenant, j'hésite entre le théâtre et Allez-y, remuez le couteau dans la plaie. Non, mais ça aurait pu être une fête foraine avec un peu de dog machin, là, vous savez. Oui. Enfin, Des hot dogs. Des petits obstacles. bon, alors il reste le théâtre ou la musique. Théâtre de chiens, franchement, là, ça va être un peu violent quand même. Donc je prends la musique classique, allez. Mais sans grande conviction. Heureusement que vous n'avez pas de grande conviction. Non, c'est pas ça du tout. C'est le théâtre. C'est le théâtre. C'est pas vrai, ça. Mais non, mais nos amis canadiens, là, ils font n'importe quoi. Alors, c'est deux comédiens canadiens, justement, qui ont décidé de faire du théâtre pour animaux. Alors, qu'est-ce que c'est le théâtre pour animaux? Alors, j'ai vu une petite vidéo. Si vous voulez, ils ont une technique où, d'abord, ils n'ont pas une voix humaine. Ils ne sont pas en train de... Ils font pas du Molière, hein. D'accord. Je rassure quand même les gens. Mais ils ont... Ils font des sons avec leur voix et ils ont un langage du corps surtout. Donc ils sont très près du sol et ils font certains mouvements. Tout ça est très scénarisé, si vous voulez. ça doit être de l'art. C'est quelque chose de très beau, des animaux qui jouent comme ça. Voilà. Et il paraît que les chiens et les chats sont intrigués. Tu m'étonnes. Tu dois se dire, mais... Qu'est-ce que c'est, ces humains? Ils sont complètement fous. Voilà, ça, en fait, ils doivent se moquer de nous bien comme il faut, non? Voilà, c'est voilà, mais pourquoi pas? Oui, hein, ouais, c'est sûr. Voilà, je vous dirai quand ça arrivera en France. Exactement, Laetitia, vous irez puis vous nous raconterez. Voilà. Hein, bon, allez, on revient dans un instant sur RMC, il est 7h moins le quart et on aura Nicolas au téléphone qui va nous parler de son persan, le 3216, animaux@rmc.fr. Bon, ce dimanche matin, n'hésitez pas à nous appeler les amis, on est en direct et on est là pour vous. À tout de suite. RMC, vos animaux. RMC, deux petits points séparent Nico Rosberg de Lewis Hamilton, leader du classement pilote. Ce week-end, les Formula roulent de nuit à Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour. Cet après-midi à 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formula. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Moins le quart tout pile, le retour du week-end des experts et des animaux. Avant de retrouver tout à l'heure à 8h Jean-Luc Moreau, bien sûr, pour l'automobile. Et toutes vos questions auto, un rendez-vous que je le sais, vous attendez. Laetitia, attention. Place aux questions des auditeurs jusqu'à 7h. Oui. Et on accueille Nicolas maintenant. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. On rigole avec les collègues parce qu'on était sur du théâtre. C'est vrai? Ah bah ouais, ouais. Vous avez raison. Bah, vous êtes très fort. On est collègues de radio, donc voilà. Ah, c'est vrai. Nicolas, oui, c'est moi. Ah bah oui, mais on vous a déjà vu au téléphone, oui. Nicolas. Oui, une fois. C'est vous, cool. Vous êtes pas en Bourgogne, c'est ça? Voilà, contact. Parfait, c'est très bien ça, Nicolas. Bah, c'est sympa de nous appeler. Faudrait qu'on vous appelle, nous aussi, un petit peu quand même, pour qu'on passe sur votre antenne. Parce qu'à chaque fois, c'est l'inverse. Bah oui, mais bon, vous êtes un peu plus gros que nous quand même. Hein. Ah bah c'est pas gentil, j'ai fait un régime. Non, oui, il faut pas dire ça à une femme. Voilà. Ah, d'accord. Bon, voilà. Oui, non, mais ça va. Bon, Nicolas, on vous écoute, bien sûr. Vous allez nous parler de votre persan. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai adopté un petit singe pour partir en vacances dans le sud de la France. Oui. Il vient de Nice, exactement, le petit chat. Oui. Et depuis qu'il est arrivé, je trouve qu'ils se font une petite distance tous les deux. Il est arrivé quand? Oh là, au mois de juillet. D'accord. Et quel âge ont les chats? Alors, Tim a 3 ans et demi, et le petit 3 mois. 3 mois. Et il se crache dessus? Non, pas vraiment, mais on voit que le gros se fait petit, par rapport au petit, justement. Alors, ce sont deux persans, hein, c'est ça? Pas du tout. C'est un Européen. Je vous ai envoyé la photo sur le book. Mais qui est persan, alors, dans l'histoire? Parce que moi, on m'a dit que... Le gros. Ah, le gros est un persan. Et le petit, c'est un chat européen. D'accord. Alors, vous connaissez les persans. vous connaissez cette race. C'est une race qui est plus dans la contemplation que dans l'action. Je dis pas que c'est des feignants, hein. mais c'est par rapport à d'autres races, le persan est quand même assez particulier. C'est un chat formidable, mais qui est plus dans l'observation, la contemplation de ce qui se passe dans le monde et dans sa maison que dans j'interviens pour quelque chose. Donc je pense que votre persan observe cette énergumène qui est arrivée chez vous, qui est pleine de vie, qui joue, voilà, et qui se sent un petit peu dépassé en tant que persan qui est pas non plus un foudre de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est beaucoup plus calme. Bah oui, c'est un peu vous avez pris l'option calme quand même quand vous prenez le persan, hein. Donc s'il n'y a pas d'agressivité entre eux, s'il n'y a pas de bagarre entre eux, il est encore dans l'observation parce que il sait pas par quelle boule prendre cet autre chat. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il est pas aussi calme que lui, ce sont deux caractères complètement opposés. Oui, ce qui se passe, j'ai remarqué un truc, le petit veut jouer, mais le gros, il fait bon, dis donc, laisse-moi tranquille, toi. c'est vrai que les persans sont un peu, snobs. Ah, ils sont un peu snobs, persans. Oui, ils sont un peu, comme ils sont les rois à la maison, des fois, ils regardent un peu les autres de haut. Voilà, il va pas forcément aller jouer parce que c'est pas forcément dans son planning de roi, quoi. Ah oui, c'est un peu ça. Mm-hmm. Il est souvent perché, il est souvent perché, tout le temps sur les meubles. Alors moi, ce que je ferais, Nicolas, quand même, c'est c'est quand même un grand bouleversement qu'il y a eu avec l'arrivée du petit, alors que le persan était là depuis 3 ans et que c'était le maître à la maison. Moi, je mettrais des phéromones apaisantes pour apaiser tout ça. Et puis, je serais aussi beaucoup à dorloter le persan. Parce que, l'air de rien, vous vous occupez beaucoup du petit, parce que c'est normal. Parce que c'est de la vie, parce qu'il arrête pas de jouer, parce qu'il me demande justement à être en interaction avec vous. Et ça, c'est tout à fait normal. S'il le faisait pas, il aurait un problème. Et peut-être commencer à jouer aussi, se mettre... Alors, puisqu'il ne veut pas jouer avec le chaton, pourquoi ne pas leur proposer de jouer avec autre chose? Par exemple, une canne à pêche, une balle, une souris, etc. Chercher des jeux, ou même un stylo laser, ça marche très bien. Mm-hmm. Chercher des jeux... pour que les deux jouent ensemble et pour jouer avec eux en fin de compte. Parce que je pense que le persan est plus habitué à jouer avec vous qu'avec le petit et à un moment il va se détendre le persan et il va commencer à jouer avec le petit. Mais c'est vrai que l'attitude qu'il a, c'est typiquement l'attitude d'un persan, c'est j'observe de loin ce qui se passe, je calcule, je réfléchis, etc. Mais j'interviens pas forcément, je suis pas forcément dans l'action. Et c'est vraiment le caractère du persan. Ouais. Et ça veut pas dire qu'il ne va pas accepter le petit. Hein, c'est que il faut qu'ils mettent en place, eux deux, des règles de cohabitation entre deux caractères complètement opposés. Et c'est ça vraiment qui les oppose, c'est le caractère. Un qui est plutôt calme, qui est pas forcément dans le jeu, etc. Et l'autre qui est plein de vie, qui veut jouer, qui grandit et qui veut explorer le monde et surtout avoir des relations avec ce persan. Donc laissez faire, mettez des phéromones pour un petit peu apaiser la maison et puis surtout jouer avec eux et ne soyez pas avare de câlins vers votre persan. Bon. Merci en tout cas Nicolas pour votre appel. Merci. Il est 6h51. 6h51, Laetitia. Et on enchaîne avec Régine. Régine qui a un appel assez urgent et vient de nous joindre au 3216. Bonjour Régine. Bonjour. Bonjour Régine. Laetitia. Bonjour Régine. Alors qu'est-ce qui est arrivé à votre chatte? Racontez-nous. Eh bien, écoutez, j'ai une chatte de 3 ans qui ne supporte absolument pas depuis toute petite l'enfermement et qui sort toute la journée et toute la nuit. Elle ne rentre à la maison que pour faire de brèves apparitions pour manger, se laisser caresser, repartir. Oui. Eh ben pour le plaisir. Voilà. Elle associe votre maison au plaisir, hein, les caresses et la gamelle. Et donc, un matin, elle est rentrée, elle passe toutes ses nuits dehors, surtout en été, hein, bien sûr, en été, je la vois très peu. Elle passe toutes ses nuits dehors et quand elle est rentrée le matin pour manger, je lui donne donc un aliment humide le matin, ensuite croquette à volonté. Et donc, j'ai remarqué du sang sur le rebord de sa coupelle. Ah. Donc, j'ai fait un petit peu plus attention. Mais c'est une chatte à poils longs, donc... Et c'est difficile. Je n'ai pas du tout laissé approcher. Je n'ai pas pu bien voir ce qui lui était arrivé. J'ai vu seulement qu'elle était blessée au niveau du maxillaire inférieur droit. Oui. Donc, je suis passée à la clinique où nous avons l'habitude d'aller pour demander avec quel antiseptique je pouvais la nettoyer, ouais. Bétadine. Mmh. Je suis rentrée, j'ai essayé, quand elle est revenue, de la nettoyer. Ça a été impossible. Donc, vous l'avez... donc j'ai retéléphoné tout de suite à la clinique, disant, mais écoutez, elle ne se laisse pas faire, je préfère qu'elle soit examinée. Et donc, le vétérinaire a diagnostiqué quoi ? Alors, elle est allée en clinique et le vétérinaire a diagnostiqué deux trous sous le maxillaire inférieur droit et une suspicion de morsure de vipère. Ah, d'accord. Et est-ce qu'elle avait le venin ? Eh bien, comme ça n'a pas été fait tout de suite, l'examen, et je pense que ça datait... De la veille, en fait. Hein. Oui, oui, oui. Et donc, il y avait déjà une... Parce que le jour même, elle n'a pas pu être examinée, la clinique était surbookée. Mais que vous a dit votre vétérinaire ? Parce que je pense qu'il l'a hospitalisée, elle a été mordue par une vipère, c'est quand même grave, surtout eh bien, s'il y a envenimation. Oui, et elle avait donc du pus, déjà, qui était formé. D'accord. Avec un abcès. Juste un abcès. Avec un abcès sous le menton et cette plaie qui se maintait du pus. D'accord. Et du sang. Et il pense que c'est une vipère. Oui. D'accord. Et quelle est votre question ? Alors, ma question, c'est que, bon, elle a été traitée, elle a eu un antibiotique, le clavaceptin, et depuis, son comportement a totalement changé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle est terrorisée à l'idée de mettre le nez dehors dans la journée. Tiens, eh oui. Donc, elle ne sort plus de chez vous ? Elle ne sort que la nuit. La nuit ? Dès que la nuit tombe, elle repart. D'accord. D'accord. Laetitia. Bon. Alors. Logique comme comportement après ce traumatisme, voilà. Hein, parce que alors, j'imagine que le chat associe cette morsure à la sortie. Bien sûr. C'est vraiment. Il devient phobique. Enfin, il anticipe le choc qu'il a eu. Alors, peut-être une vipère. Alors. D'après ce que vous me dites, il y a eu un abcès, donc à mon avis, c'était une morsure, ce qu'on appelle blanche. Vous savez que si une vipère mord, elle n'est pas obligée d'injecter du venin. D'accord. Elle décide si, oui ou non, ça vaut le coup d'injecter du venin. Oui, donc ça peut être donc, simplement une morsure pour, voilà. Pour dire attention, Coco, t'abuses voilà. Pas parce que... Une morsure sur deux de vipère et d'accord. Blanche, c'est-à-dire sans injection de venin. Mm-hmm. Donc c'est moins grave. Bien entendu, hein, parce que là, elle serait quand même dans un état plus grave que le simple abcès qu'elle a eu. Alors, votre chatte a été traumatisée hein, par cette morsure de vipère ou morsure d'autre chose, je ne sais pas, choquée, et donc elle anticipe, c'est-à-dire qu'elle associe le fait, le jardin en plein jour, au choc qu'elle a eu. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle ne veut pas sortir. Alors, déjà, c'est un bon point parce qu'au moins elle est avec vous dans la journée. C'est déjà bien. Vous avez une chatte qui devient casanière, alors qu'avant c'était une chatte que vous voyiez jamais. C'est déjà pas mal. Alors deux choses. Soit les peurs passeront avec le temps, ce qui arrive chez beaucoup de chats. Hein, bon voilà, avec le temps, bah, elle va oublier puis elle va voir que de toute façon, voilà, il y a plus de danger dehors ou très peu. Soit ça va s'aggraver. Ça faut le savoir, c'est-à-dire que non seulement elle voudra plus sortir dans la journée, elle aura peur, mais elle voudra plus sortir aussi la nuit. Ah. C'est deux options possibles. Soit ça s'améliorera, soit ça va s'aggraver. Et si ça s'aggrave, il faudra bien sûr revenir voir votre vétérinaire, parce que ça veut dire qu'elle sera dans un tel état anxieux qu'il faudra lui donner un médicament pour diminuer cette anxiété, puisque c'est de la souffrance, l'anxiété. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que vous pouvez faire, Régine ? Eh ben, Faites en sorte de lui apporter beaucoup de la réconforter, de lui apporter des câlins, lui donner à manger, etc., d'être présente et de la rassurer. Voilà. Si dans la journée, elle met le nez à la porte et qu'elle veut pas sortir, vous la rassurez. Puis, quelque part, vous pouvez aussi sortir devant elle, aller jardiner, l'appeler. pourquoi pas. D'accord. Si elle veut pas sortir, il faut jamais la forcer. Par contre, faut jamais la forcer, pas la prendre dans les bras pour la mettre dehors. Ça, non. C'est surtout pas. Mais être présente, être là, la rassurer, lui parler doucement, et puis sortir dans le jardin, rentrer pour bien lui montrer que maintenant il n'y a pas de problème dans le jardin. Alors elle va être très émotive dans le sens où tout ce qui est bruit brusque, ça va la faire sursauter. Et ça, c'est normal parce que elle est dans cette phase où elle a été traumatisée et voilà. Tout ce qui se passe dehors, ça peut être un danger. Mais et puis une dernière chose, Régine, moi je vous conseillerais d'élever des poules. Pourquoi? Parce que ça fait partir les vipères. Ça fait partir les vipères, les oui, poules. Oui, ça chasse les vipères. Tiens, je pensais que les vipères pouvaient s'attaquer aux poules justement. Eh non, non, non. D'accord. Donc vous pouvez prendre des poules ou des dindons. Aussi, c'est pas mal pour les vipères. Ah, le dindon, si vous voulez aussi, c'est pas mal. Faites attention en ce moment, avec les chaleurs qu'on a eues au début septembre, il y a beaucoup de vipères, oui, il semblerait, d'accord. Dans les campagnes. Merci en tout cas pour votre appel, Régine. Laetitia, merci, bientôt 7h. On revient après la météo et les infos, on attaquera notre deuxième partie dédiée aux animaux. On va parler de chiens guides aveugles, on va parler de loups entre autres, et même de radars pour détecter les animaux sauvages qui circulent la nuit. A tout de suite, c'est RMC. RMC. Vos animaux. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon braquage! Renault Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Un coup d'œil sur la météo. Météo encore perturbée, hein, Kevin Fleury. Bonjour. Oui, bonjour François. Ce matin, le temps reste bien pluvieux, notamment sur un quart nord-est de la France, dans le secteur de Strasbourg, de Troyes, en redescendant également progressivement vers les Vosges et surtout vers les Alpes dans l'après-midi. D'ailleurs, un petit peu de neige, hein, des 2200 mètres dans ces prochaines heures. Concernant les températures, elles sont toujours fraîches. Cet après-midi, pas plus de 13 degrés à Aurillac. Il fera 25 degrés à Toulon. Et puis demain, lundi, nouvelle semaine, un temps qui restera bien gris et humide sur la quasi-totalité du pays, sauf dans le sud-est, avec un temps qui sera de nouveau bien agréable. Mardi, encore des averses, notamment sur les régions septentrionales, alors que le soleil persistera en Méditerranée et reviendra progressivement par les côtes bretonnes. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix de Singapour. 15h, Football Ligue 1, Montpellier-Nice. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Racing 92 Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Marseille-Lyon. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 7h, toute l'actualité, Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, l'explosion au cœur de New York était un acte intentionnel, c'est l'actualité de la nuit, 29 personnes blessées, l'acte terroriste est pour l'instant écarté. La stratégie Marine Le Pen, le Front National réuni à Fréjus tout le week-end, l'occasion de préciser le calendrier de campagne. Et puis le sport, avec un document RMC ce matin, les premiers mots du nouveau patron de l'Olympique de Marseille, Franck Macourt, livre ses ambitions pour l'OM. Il est 7h sur RMC, bonjour à tous. Allez, le sport, le football pour commencer. Pour la première fois, il sera dans les tribunes du Vélodrome pour voir son futur club évoluer sur la pelouse. Franck Macourt, l'Américain qui va racheter l'OM, assistera ce soir au choc Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, nouveau patron que vous avez pu rencontrer, Florent Germain. Oui, Franck Macourt sera assis en loge ce soir aux côtés de Margarita Loudreyfus et pour son premier match de l'OM au Vélodrome, les supporters marseillais comme Thierry lui promettent un bel accueil. C'est une bonne chose qu'il assiste à la rencontre, on espère une victoire et je pense que le public marseillais lui réservera un accueil très chaleureux. Franck Macourt nous a confié qu'il comptait rester discret tout de même ce soir vu qu'il n'est pas encore officiellement propriétaire de l'OM. Joueurs et staff sont évidemment au courant, Bounassar espère même un premier effet Macourt. Une motivation, on sera peut-être davantage motivé, on verra bien. Ça fait toujours plaisir qu'il soit là, qu'il soit parmi nous, parce que voilà, on a besoin du soutien de tout le monde. On verra ce soir si Franck Macourt a porté chance à l'OM. Il avait porté chance au bleu, en tout cas début juillet. Franck Macourt avait assisté en tribune au fameux France-Allemagne demi-finale de l'Euro. Voilà pour les coulisses sur le terrain. L'OM n'est pas au mieux en ce moment, 15e au classement, mais le coach lyonnais Franck Genesio se méfie. Ils ont eu une intersaison très très agitée et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien géré malgré tout. J'ai vu leur match, je vois des joueurs qui sont solidaires, je vois une équipe qui a envie de jouer, qui propose des choses intéressantes. Donc je pense pas qu'ils soient à leur place et Marseille n'est pas à sa place quand ils sont 14e. Donc je m'attends à un match très difficile, je m'attends à un match de niveau Champions League en termes d'engagement et d'intensité. Ce sera à nous de répondre présent dans ces domaines-là avant de pouvoir mettre notre jeu en place. Et les résultats d'hier pour cette cinquième journée de Ligue 1. Monaco a battu Rennes 3-0, 1-0 pour Angers face à Bordeaux et pour Lorient face à Lille. Toulouse bat Guingamp 2-1. Enfin, match nul, un partout entre Nantes et Nancy. 0-0 entre Dijon et Metz. La suite de l'actu sport, le tennis notamment, c'était à la fin de ce journal. Il était donc 20h45, heure de New York. Violente, très violente explosion dans le quartier de Chelsea, quartier à la mode. C'était donc cette nuit, 29 personnes blessées. L'une d'entre elles l'est sérieusement. Écoutez les précisions du maire de New York, Bill de Blasio. Ce soir, New York a connu un très grave incident. Les blessures sont importantes, mais le pronostic vital n'est engagé pour aucun des blessés. Nous voulons aussi assurer qu'il n'y a aucune preuve jusqu'ici du caractère terroriste de cet incident. Nous allons continuer à enquêter, mais en tout cas, il s'agit bien d'un acte intentionnel. Voilà les précisions du maire de New York, Bill de Blasio. Les États-Unis, toujours cible de sérieuses critiques de la Russie. Hier, l'aviation américaine a frappé en Syrie dans la province de Deir ez-Zor, frappe qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de soldats syriens. C'était une erreur, avouent les autorités militaires américaines qui pensaient viser des troupes de l'État islamique. Plusieurs heures de tension, de panique même autour du quartier de Châtelet-Léal. C'était hier après-midi à Paris, un appel à la police, alerte attentat. Pendant de très longues minutes, les autorités ont craint la prise d'otages terroristes. C'était finalement une fausse alerte. Les forces spéciales de la police déployées pour rien finalement. Un mal pour un bien, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet. Ça montre qu'il y a une réactivité des services de police, des primo-intervenants qui ont eu les bons gestes, les bons réflexes. Les habitants ont été soit évacués, soit confinés. Le périmètre a tout de suite été établi. Donc il faut évidemment rester très humble. Ça se termine bien, c'est une fausse alerte. Mais ça a pu montrer aussi, en grandeur réelle, que le schéma national d'intervention dans ce contexte de menace terroriste particulièrement élevé, eh bien, ces réflexes, ils trouvent leur concrétisation sur le terrain lorsqu'un événement se passe. Pierre-Henri Brandet au micro de Pauline Baduel. C'est l'un de ses premiers grands rendez-vous de campagne présidentielle. Marine Le Pen clôt cet après-midi les estivales du Front National. Ça se passe dans le Var. Fréjus, hier, elle nommait le sénateur David Rachline directeur de sa campagne. Et aujourd'hui, dans son discours, elle veut prendre de la hauteur, Stéphanie Collier. Exactement, Marine Le Pen continue de dérouler sa stratégie, apparaître calme et surtout montrer qu'elle peut rassembler tous les Français. La manière dont se déroulent les débats dans les autres partis n'est pas à la hauteur, répète la candidate, et elle dramatise l'enjeu. Cette élection présidentielle, dit-elle, va sceller le sort de la France pour plusieurs générations. Pour le moment, pourtant, pas question de lancer la campagne officielle, c'est une pré-campagne, explique Marine Le Pen. Elle ne se lancera véritablement dans la course qu'à la mi-février, lorsque les autres candidats seront connus. En attendant, elle structure son équipe. Le moment venu, il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton, dit Marine Le Pen. Elle le sait, elle va devoir aller chercher des électeurs au-delà de son socle traditionnel si elle veut avoir des chances d'être élue. Et pour activer cette variable-là, il n'y a pas de bouton magique. Les précisions à Fréjus de Stéphanie Collier. 1 milliard d'euros financés en partie par vous. Automobilistes, le tarif des péages autoroutiers va augmenter. C'est le ministre des Transports qui l'annonce ce matin dans le JDD. Ce milliard d'euros, c'est pour financer l'entretien, l'amélioration, l'aménagement du réseau d'autoroutes. 50 projets sont envisagés. C'était début septembre, aux portes de Marseille, incendie qui a ravagé 300 hectares de calanques. Certaines habitations avaient même été menacées. Depuis, l'enquête minutieuse a permis de trouver une explication. C'est un mineur de 15 ans qui semble responsable. Il est en détention ce matin et sur place, il reste beaucoup d'incompréhension, Eric Miguet. Plus de 15 jours après l'incendie dans le parc des Calanques, des milliers d'arbres sont encore noircis, un véritable paysage lunaire. Et Yacine, habitant du quartier où l'adolescent de 15 ans a mis le feu, en est encore abasourdi. Ça nous choque puisque c'est un quartier assez calme et qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y a des personnes qui peuvent faire ça alors que c'est une forêt, c'est un parc national. C'est vraiment choquant. Voilà. Et moi je suis monté, ça fait 2 jours, par la Gineste, j'ai vu toute la masse noire. C'est vraiment, ça donne envie de... voilà, ça choque. Un choc pour l'ensemble des habitants et le maire des 9e et 10e arrondissements où se trouvent les Calanques. Lionel Royer-Perrault veut que la justice frappe fort. Je crois qu'il faut quand même être sévère dans la réponse judiciaire, tout simplement parce que les gens doivent savoir que lorsqu'il y a un risque incendie fort, on ne s'amuse pas à aller mettre débriquer des allumettes dans un massif naturel. Un incendie qui pourrait lui coûter au maximum jusqu'à 5 ans de prison. Il est 7h07 sur RMC. Plus le choix, il faudra gagner les deux simples aujourd'hui, demi-finale de Coupe Davis de tennis. Et les Bleus en difficulté, ils ont perdu le double hier. La Croatie mène 2-1. Richard Gasquet est obligé de gagner. Ce sera pas simple d'ailleurs face à Cilic, le numéro 1 croate, mais le coach Yannick Noah y croit. C'est le moment, non? Ce serait joli. Tu commences toujours par arriver à la victoire, tu vois. À partir du moment où tu commences à y croire, c'est déjà pas mal. Richie qui gagne là-bas le match, ça aurait de la gueule, quoi. Contre Cilic ici, ça aurait vraiment de la gueule. Donc, ça serait un bonheur, quoi. Donc voilà, on essaie de jouer pour vivre ces moments-là, tu vois. On est là pour ça, pour essayer de vivre ces moments-là. Quand il gagne son premier match hier, c'est fort, quoi, tu vois. Donc, alors, demain, s'il gagne, ça va être un truc, ça va être violent. Je pense que ça va chialer. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que c'est beau, mais c'est dur. Le top 14 de rugby, cinquième journée des victoires hier pour Lyon, Montpellier, Brive, Pau et Clermont. Aujourd'hui la revanche de la finale de l'an dernier, Racing 92 face à Toulon. Et puis la Formule 1 est à Singapour ce week-end, 14h, le départ du Grand Prix cet après-midi sur RMC. Grand Prix un peu spécial puisqu'il a lieu de nuit, de quoi perturber un peu les organismes du paddock, Louémar. Une conférence de presse au cœur de la nuit, même le patron de Mercedes, Toto Wolff, s'y perd. On a quelle heure maintenant? Moi non plus, je sais pas si on est matin, soir, minuit, bizarre. Son pilote Nico Rosberg s'est lui autorisé une sortie. On était allé en disco en boîte même à 2h du mat, parce que là je vais me coucher à 5h du matin chaque jour. Et c'est amusant, j'aime bien vivre comme ça dans la nuit, ça va. Pas de boîte de nuit pour Romain Grosjean, mais quelques astuces quand même. La clé pour moi c'est de garder ma montre à l'heure européenne, et surtout manger à des heures fixes, et pour dormir les bons rideaux, et puis après un masque pour les yeux pour essayer de garder la nuit le plus longtemps possible. Pour Joseph Liberer, ancien physiothérapeute d'Ayrton Senna et aujourd'hui membre de l'écurie Sauber, il faut avant tout conserver sa routine et s'adapter psychologiquement. C'est aussi une affaire de mental, il faut se dire ok, on est là et ne pas trop réfléchir. Entre ces horaires étranges et ces chaleurs étouffantes, Singapour est sans doute pour le paddock le Grand Prix le plus difficile de la saison. Grand Prix donc qui sera à suivre en intégralité 14h sur RMC cet après-midi. 7h08 sur RMC, François Sorel, les courses pour terminer. À Vincennes, Thomas, tiercé quarté quinté plus, Sébastien Arras nous conseille de retenir le 4 Pionnier Gare et l'As Vestal du Goutier. Brahim Asloum reste fidèle au 14 Univers de Dédou et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 7 Vic du Pomereux et le 8 Vasco de Viette. Le 4, l'As, le 14, le 7 et le 8. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. De retour, c'était RMC 7h09. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et bon dimanche. Comment êtes-vous réveillés en ce dimanche matin? Ça va? Aussi bien que Laetitia Barlerin qui nous accompagne. Bon, c'est parfait. Un petit café, c'est reparti, Laetitia. C'est reparti. Et oui, nous étions à la machine à café. Bien sûr. On s'est bu un petit café. Et donc là, on attaque notre deuxième acte de ce rendez-vous dédié aux animaux. Tout à l'heure, on va parler de radars. Vous allez voir, incroyables, qui sont là pour détecter les animaux sauvages. Et éviter les collisions entre la faune sauvage et nos voitures, et bien sûr. Effectivement, on parlera aussi du loup en France tout à l'heure. On va aussi s'intéresser aux chiens guides d'aveugles. Et nous avons un chien guide. Oui, dans qui est ici en studio. Qui est d'une sagesse incroyable. Il est sous la table, là, tranquille. Voilà. C'est une gentille chienne qui s'appelle Jody. Voilà. On en parlera. On va en parler dans un instant. Puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre à un 3216 ou bien animaux@rmc.fr. On va parler aussi de la manière dont le chien a évolué aux côtés de l'homme, Laetitia. Voilà, et nous sommes avec le docteur Antoine Bouvresse en studio, qui est vétérinaire comportementaliste à Rueil-Malmaison et qui va intervenir lors d'un séminaire qui s'appelle Dog Révolution, qui est organisé le 1er et le 2 octobre à Nanterre par la Société francophone de Cynotechnie. Bonjour. Bonjour, bonjour Antoine. Laetitia. Merci bonjour, d'être bonjour. Ici. Alors, dans ce séminaire Dog Révolution, on traitera du chien dans notre société. On parlera aussi de l'évolution du chien. Alors justement, c'est bien de parler du commencement. Comment tout a commencé, comment le chien a été domestiqué par l'homme. Parce que faut quand même le rappeler, le chien a été le premier animal domestiqué par l'homme. Il y a maintenant plus de 12 000 ans. Alors je dis plus de... parce que je crois que les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y a débat. Alors justement, quels ont été les premiers sujets domestiqués? Comment s'est fait la domestication du chien par l'homme? Alors, dans l'absolu, c'est pas la domestication du chien, c'est la domestication qui a créé le chien. Donc la domestication, c'est un processus de création d'une nouvelle espèce. Et donc, alors, là encore, il y a un grand débat, à savoir quel est l'ancêtre commun qui a permis de créer le chien. Est-ce que c'est le loup, le gris, à quelle date et dans quelle région du monde? Ça, c'est des vastes débats. Tous les ans, il y a des nouvelles publications en fonction des découvertes, etc. Personne n'est d'accord, j'imagine. Les équipes de chercheurs sont pas d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais ça fait avancer la science. C'est voilà. Bien. Ce qui est le plus intéressant, à mon sens, si on réfléchit donc pour le séminaire, pour Dog Revolution, à savoir pourquoi le chien est avec nous aujourd'hui, c'est de savoir quels ont été les processus qui ont amené à ça. Et en fait, comme le chien est le premier à être domestiqué, on peut se dire que les humains sont allés chercher des loups et qu'ils leur ont appris à garder les troupeaux. Mmh. Bah non, pas de troupeaux, puisque pas d'autres animaux domestiqués. Donc le premier troupeau, au contraire, c'est le chien. Ça veut dire que le premier rôle du chien, ça n'a pas été de garder les troupeaux. Et pas du tout, puisqu'il n'y avait pas de troupeaux à ce moment-là du tout. Alors, et par définition. Alors c'est quoi son rôle, justement? Alors, probablement, ce qu'on se dit, c'est que nous, on voit cette sélection comme, de notre point de vue d'homme intelligent relativement, ça dépend avancé, à quelle heure on est, voilà, où on se dit que l'humain est allé chercher des loups et qu'il leur a appris des choses. Probablement que ça s'est pas passé comme ça et qu'on est plus, non pas sur une sélection artificielle volontaire de l'humain, mais plus sur une sélection naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le loup qui s'est domestiqué lui-même. C'est le loup qui s'est rapproché de l'homme. Et là, par contre, on en est sûr, la période de la domestication du chien se fait exactement en parallèle de la période de sédentarisation de l'humain à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que des campements humains se mettent en place, qu'il y ait des humains qui se sédentarisent, c'est à ce moment-là que... Ça a attiré les loups, c'est ça ? Les déchets ont attiré les loups. D'accord. Et il faut être clair, la clé de la domestication, c'est peut-être le fait que ces loups qui sont... C'est les poubelles. Exactement, c'est la poubelle. C'est incroyable. Mais en même temps, ils ont vu quand même que les loups pouvaient les protéger ou protéger leurs biens. Peut-être que par la suite, effectivement, il y a eu une utilité à avoir des... entre le loup et le chien, disons des canidés à ce moment-là, qui étaient autour du camp, parce que ça évite d'avoir d'autres animaux sauvages qui viennent. Ça peut donner l'alerte, effectivement, mais ce sont probablement des rôles secondaires. Mais c'est intéressant aussi, c'est de se dire que les humains étaient bienveillants par rapport à ces animaux, parce que s'ils ne l'avaient pas été, ils se seraient éloignés. Donc l'humain acceptait aussi ces animaux dans sa communauté. L'humain a probablement accepté ceux qui n'étaient pas trop dérangeants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, peut-être qu'il y a aussi des portées qui ont été... Peut-être certains individus loups étaient beaucoup plus... moins agressif envers l'homme. Câlin, pas câlin, mais on va dire plus apte en tout cas à cohabiter. D'accord. Et c'est ceux-là qui sont restés près de l'humain, c'est ceux-là qui ont plus mangé et qui se sont plus probablement reproduits, transmettant ainsi leur génétique et leurs aptitudes vis-à-vis de l'homme à leur descendance. Et c'est ça vraiment la sélection, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, celui qui est adapté va transmettre son potentiel et sa génétique, etc. Et petit à petit s'humanise en quelque sorte, c'est et ça. Et se domestique et s'adapte. Voilà, c'est alors, ça. On imagine que les premiers chiens domestiqués avaient une morphologie de loup. Hein, en tout cas, et se rapprocher du loup. Alors aujourd'hui, quand on voit nos chiens, il y a plus de 400 races, on imagine les morphologies complètement différentes, comme je disais tout à l'heure, du chihuahua au dog allemand, passant par le berger, etc. Comment se sont faites les naissances des races, justement, avec l'homme? Parce que c'est l'homme qui a sélectionné des races, mais quel processus il y a eu? Est-ce qu'on a sélectionné sur la beauté? Est-ce qu'on a sélectionné sur le rôle que devait avoir le chien? Alors, quand on parle de race, alors vraiment pour la terminologie, la notion de race, ça date d'il y a 150 ans, pas plus. Mais depuis 10 000 ans, on fait beaucoup, beaucoup de choses avec les chiens. Oui, parce que sur les tableaux anciens, on voit des races différentes. Mais alors, pour le coup, on parle de variété, pas de race avec des standards, etc., comme depuis 150 ans. Et en fait, ces variétés, alors, on trouve déjà il y a 10 000 ans ce qu'on appelle des morphotypes. C'est-à-dire, et les deux premiers qui sont apparus, c'est le morphotype molossoïdes. Donc ce sont des très gros chiens, très puissants, avec de grosses épaules, de grosses têtes, de grosses mâchoires, et qui servent à garder. Garder la maison, garder le troupeau et les défendre. Alors pas tourner autour du troupeau pour le conduire, mais pour défendre le troupeau contre des ours, des fauves, etc. Pas chasser. Ils sont très puissants, ils chassent pas. Ils chassent pas, d'accord. Et l'inverse, l'autre morphotype, c'est le morphotype que l'on appelle graillioïde, où ce sont des lévriers, de grands lévriers. Donc et ceux-là, ils sont extrêmement fins. Ils ont, c'est l'opposé du molosse, c'est-à-dire qu'ils sont très longs, très fins, très souples, extrêmement très rapide. Un museau très allongé. Et sur toutes les gravures qu'on voit de cette époque-là, on en voit en Égypte, on en voit dans l'Empire romain, c'est des gravures qui sont magnifiques. On retrouve une similitude de morphologie qui est absolument incroyable. Ces épaules très très fortes et ce chien très massif. Puissant du molosse et ces proportions très allongées du chien. Mais à quoi servait ce chien allongé? C'est un chien de compagnie? Chien de chasse. Il chassait, il courait et il chassait. D'accord. C'était les deux premières fonctions. Mais par contre, sur toutes ces gravures-là, on voit des oreilles qui vont vers le haut, vers le bas. On voit des robes de couleurs qui sont complètement différentes. On voit des queues en tire-bouchon allongées, etc. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas de sélection sur ces points-là parce que ça ne servait pas de fonction. Là, pendant 10 000 ans, ce qui comptait, c'était la fonction. Est-ce qu'il réussit à bien garder ma maison? Est-ce qu'il fait peur? Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il va aller se battre contre un ours? Et pour les graillioïdes, les lévriers, est-ce qu'il court très vite? Est-ce qu'il ne se blesse pas? Est-ce qu'il arrive à attraper des lapins? S'il y arrive, c'était des outils, on va dire. C'était des compagnons, mais enfin, c'était des. Le terme n'est pas bon. C'était des outils, ils avaient une fonction effectivement à la chasse ou au gardiennage. D'accord. Le chien de compagnie est arrivé 10e, 12e siècle. On revient dans un instant, Laetitia. C'est passionnant. On en parle ce matin. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez témoigner, nous appeler au 3216. C'est le moment ou jamais. animaux@rmc.fr. À tout de suite. RMC, 6h-8h. Vos animaux. Au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus! J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec! Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous! Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec! Avec l'UFC Que Choisir, réduisez vos factures de gaz ou d'électricité. Inscrivez-vous sur choisirensemble.fr. Je me suis inscrite il y a 2 ans pour le gaz. J'ai économisé plus de 200 euros sur 1 an. Avec en prime, un contrat sûr et l'accompagnement de l'UFC Que Choisir. Au début, j'étais méfiant. Mais c'est simple, avec à la clé de sacrées économies. Cette année, je m'inscris aussi pour l'électricité. Avec l'UFC Que Choisir, mobilisons-nous. Soyons plus pour payer moins. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur choisirensemble.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akena? Chez vous, bien sûr. Akena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Renault Twingo est à partir de 99 € par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500 € si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Comment le chien a-t-il évolué aux côtés de l'homme? On en parle ce matin, Laetitia, avec notre invité Antoine Bouvresse, qui est avec nous en studio. Voilà, alors on a parlé de l'évolution des races, hein, de la naissance des races, avec ces chiens qui étaient plutôt des chiens qui gardaient et d'autres chiens qui étaient plutôt réservés à la chasse. Quand est né le chien de compagnie? Parce qu'en fin de compte, chien de compagnie, c'est un peu un rôle aussi. Est-ce qu'on a sélectionné un chien pour qu'il devienne la compagnie de l'homme? Tout à fait. Alors, à partir du 10e, 12e siècle, on a des descriptions très précises de petits chiens de compagnie, petits chiens de salon. Et en gros, c'était ce qui sont aujourd'hui des petits bichons ou des petits spitz. Et là, on les sélectionne. Pourquoi? Bah, pour être petit, pour avoir le poil soyeux et pour être agréable et facile et de bonne compagnie. Et il accompagne qui? Plutôt les hommes ou les femmes? On sait ça ou pas? Les deux. Ils sont dans les salons, a priori, à cette époque-là, et ils sont avec les femmes et les enfants. Les hommes sont... Oui, les hommes ont autre chose à faire. Alors, ce qui veut dire quand même que certains comportements, qui sont souvent propres à la race, hein, bon, les comportements de chasse, ou même de certains comportements de chiens chasseurs, comme l'arrêt, etc., ont été sélectionnés. Donc, ça veut dire qu'ils sont inscrits dans les gènes du chien. Oui, il y a une part de génétique. C'est ce qu'on appelle les tendances comportementales. C'est-à-dire, alors tous les professionnels du chien connaissent ça. C'est-à-dire que un molosse va pas réagir de la même manière qu'un chien de berger, un chien de chasse courant. Il n'aura pas les mêmes attitudes. Les chiens de troupeau, on connaît ça très bien. Hein. Ils ont c'est ce qu'on appelle des patrons moteurs, c'est-à-dire des comportements un peu automatiques qui apparaissent un peu spontanément. Alors, quand ils voient un mouton. Voilà, même, par exemple. Même s'ils en ont pas vu dans leur jeunesse, par exemple. Certains ne présenteront pas du tout ces comportements, mais d'autres de manière tout à fait spontanée. Alors, ça dépend des lignées, mais il y a des lignées qui, il y a encore 10 ou 20 ans, ne servaient qu'au travail et qui sont devenues à la mode et qui inondent nos villes et nos métropoles. Et s'ils ont, jusqu'il y a encore 20 ans, été sélectionnés pour travailler sur les moutons ou dans tel ou tel type de travail, eh ben, très probablement que ces comportements-là, ces patrons moteurs, ces tendances comportementales, elles vont apparaître. À tort ou à raison. Et là, vous pensez à certaines races. Alors, il y a par exemple le berger australien qui est très à la mode. Comme c'est vrai qu'il est beau, c'est les chiens des bergers qui ont souvent des yeux bleus, de belles couleurs. Mmh. Ils sont à la mode en tant que chien de compagnie. Et moi, j'en vois à Paris de plus en plus. On en voit beaucoup et à Paris. Ce sont des très bons chiens. On voit aussi beaucoup de border collies, oui. Qui sont aussi des chiens qui sont extrêmement spécialisés. Et c'est des races qui sont absolument magnifiques. Il n'y a rien de plus beau que de voir un border collie travailler, se faire guider et lui apprendre à travailler au mouton. Mais quand il travaille pas, quand il est un chien de compagnie, est-ce qu'on va pas à l'encontre de ce qui est inscrit dans ses gènes alors? Pas forcément à l'encontre, c'est hélas pas binaire comme ça, mais il y a le risque de créer une certaine forme de frustration, c'est-à-dire quand il peut pas exprimer ses comportements de se fixer, de focaliser son attention, les chiens qui guident les troupeaux, ils sont faits pour être aptes à la concentration pendant 12-14 heures par jour. Donc c'est vrai que si pendant 12-14 heures par jour, ils trouvent rien à faire dans leur appartement, bah peut-être qu'ils vont se mettre à garder le chat ou les enfants, ou se mettre à faire sur les vélos ou les joggers, comme s'ils trouvaient des brebis. Donc sa génétique, à un moment donné, va s'exprimer. C'est l'inné et l'acquis, c'est-à-dire son potentiel. Est-ce qu'il va s'exprimer? Sur quoi est-ce qu'il va s'exprimer? Alors après, pour tous ces chiens qui ont besoin de se dépenser, de se focaliser, bah la possibilité éventuellement c'est de faire des disciplines sportives, de leur faire faire de l'agility, du frisbee, du jogging, etc. Ça permet de les défouler, d'assumer pas mal ces choses-là. Mmh. Et il y a même des chiens citadins que l'on peut faire travailler au troupeau. Il faut faire 50 km autour de Paris et il y a des clubs qui proposent cela. Alors ça veut dire que quand on craque sur un chien, on craque souvent sur un physique, une bouille, une couleur. Mais il faudrait s'intéresser plutôt à son passé, comment il a été sélectionné. Voilà. Il faut savoir quels sont les 10 000 ans qu'il y a derrière. Par exemple, le Jack Russell Terrier, c'est un petit chien de terrier. Et les petits chiens de terrier, ils sont faits pour rentrer dans un terrier, acculer une bête sauvage, un blaireau ou un renard, et gueuler pendant des heures en se faisant attraper le nez, etc. Donc ce sont des chiens qui ont une grande robustesse, oui, qui sont beaucoup, hargneux, beaucoup qui sont courageux, beaucoup de hardiesse, qui sont gueulards. Donc il faut savoir qu'il y a cette génétique là au moment où vous le prenez, même si c'est

dévoilé ce matin dans le journal du dimanche. Qui sont les musulmans de France? C'est la question. 66% accordent une grande importance à la religion. Les musulmans sont entre 3 et 4 millions en France. Un tiers sont rigoristes, les jeunes surtout, et un tiers ne fréquentent pas de mosquée. Les sports ce dimanche avec les Bleus du tennis qui n'ont plus le choix. Il faut gagner les deux simples aujourd'hui pour espérer voir la finale de la Coupe Davis. Le double a perdu hier. La Croatie mène 2-1. Et puis le football, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. C'est ce soir, clôture de la 5e journée de Ligue 1 avec Monaco, toujours leader après sa victoire 3-0 sur Rennes hier. Des victoires également pour Angers, Lorient et Toulouse. 7h31 sur RMC. Laetitia Barlerin et François Sorel, vos animaux. Thomas, merci. Prochain point sur l'actu, bien sûr, à 8h sur RMC. Et on repart dans notre rendez-vous animaux, le 32-16, pour nous joindre pour poser votre question à notre vétérinaire. Profitez-en, à tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Laetitia Barlerin, attention, c'est l'heure de la question flash. Alors que le coq se réveille, il était temps. Ah, il fait la grasse matinée. C'est la question de Mila, Laetitia. Mon chat Caramel perd ses poils. C'est un chat européen. Est-ce que la prise de compléments alimentaires pourrait arranger les choses? Je vis en appartement et je dois donc souvent passer l'aspirateur à cause de Caramel. Et oui, à moins de prendre un chat nu, il faut passer l'aspirateur quand on a un animal à poils à la maison. Un chat nu, c'est gênant. Il y a deux phénomènes. D'abord, parce que c'est l'automne et comme les arbres perdent leurs feuilles, le chat perd ses poils. Oui. C'est la mue d'automne. C'est comme ça. Il y a aussi un autre phénomène, c'est un chat d'appartement. Or, on sait que la mue est déclenchée par une variation de la photopériode, vous savez, la longueur des jours. Or, avec les lumières artificielles, avec le chauffage dans les appartements, on a toujours la même température, la même luminosité. Du coup, on peut avoir une mue toute l'année chez les animaux qui vivent en appartement. Donc, Mila, oui, vous pouvez lui donner un complément alimentaire. Oui. Que vous aurez chez votre vétérinaire, c'est ce que je conseille pour les intersaisons, au printemps et à l'automne, parce que pour le renouvellement de poils, l'organisme a besoin de beaucoup de protéines, d'acides, d'aminés soufrés, d'acides gras essentiels, de vitamines, d'oligo-éléments. Donc vous donnez ça pendant un mois minimum, et ça va booster le renouvellement du poil et ça va permettre une mue qui durera pas pendant 6 mois, mais plus concentrée sur un mois. Ce qui ne vous empêchera pas, Mila, de passer l'aspirateur, de brosser votre chat pour bien prendre les poils. Et puis faites très attention en cette période, ils peuvent avoir aussi des boules de poils dans l'estomac. Vous savez, ils se lèchent beaucoup, ils font des boules de poils, ce qui les fait vomir. Donc là, donnez-lui une pâte laxative que vous donnera aussi votre vétérinaire. Voilà, n'hésitez pas, la pâte laxative, Laetitia. Est-ce que vous pouvez nous donner la recette? Parce que je pense que ça va être sympathique. De l'huile de paraffine. Ouais, l'huile de paraffine. Vous savez que ça marche pour nous aussi, pâte pour les animaux. Oui, mais je parle que de chats. 32-16 pour toutes vos questions animaux, on vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h35, c'est RMC, le week-end des experts. Les animaux, merci d'être là. Tout à l'heure, Jean-Luc Moreau me rejoindra entre 8h et 10h pour votre rendez-vous auto du dimanche matin et toutes vos questions auto au 32-16 à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, Laetitia, au cœur de ce rendez-vous animaux, et on va découvrir les chiens guides. Alors, on en parle régulièrement dans ce rendez-vous animaux. Oui. Bien évidemment, on connaît bien, on sait comment ça fonctionne, un chien guide aveugle. Et on va en parler encore une fois avec notre invité qui est en studio. Oui, qui est Gaël Reynaud. Alors, on vient de voir l'évolution, justement, du chien aux côtés de l'homme. Et une des fonctions aussi du chien, ça a été une sélection de chiens pour être chien guide. Et nous sommes avec Gaël, qui est venu avec son chien. Qui est un Jody, qui est un magnifique berger. Alors, je dis berger allemand croisé, j'ai l'impression. Qui est gentil comme tout, là, il est sous la table. Elle est adorable. Extraordinaire. On l'entend pas, on ne la voit pas presque. C'est vraiment, le chien guide parfait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Alors, je crois que c'est votre deuxième chien guide. Mon deuxième chien, oui. Voilà. Alors, au moment où vous avez décidé d'avoir un chien guide, est-ce que ça a été une évidence pour vous ou est-ce que vous avez hésité avant de vous adresser à un organisme? Non, alors au départ, j'y avais pas du tout pensé parce que que j'avais des idées assez arrêtées sur le fait que le chien devait pas être utilitaire, que le chien n'était pas un esclave, enfin ce genre de choses qu'on peut toujours entendre un petit peu au sujet des chiens de travail. Qu'on entend encore. Qu'on entend toujours, effectivement. Et je sortais pas énormément à la canne blanche à l'époque, donc j'avais pas encore spécialement besoin. Et c'est quand je me suis installée à Paris que j'ai voulu faire cette demande, parce que c'est une ville qui est très chargée en obstacles, qui est très prenante en énergie. Et la canne blanche me suffisait plus pour sortir en sécurité, en confiance. Donc j'ai fait une demande de chien guide à l'école de chien guide d'Île-de-France à l'époque. Oui, et vous avez attendu longtemps pour en avoir un ? Je crois que j'ai attendu un an et demi avant de rencontrer mon chien, mon premier chien, oui, qui était en fin de formation, et 6 mois après cette première rencontre pour qu'il me soit remis ensuite. Alors souvent, les propriétaires de chiens guides me disent qu'il y a un avant et un après la venue du chien. Est-ce que Jody et puis le chien que vous avez eu avant, qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie ? Alors, en ce qui concerne Philou, mon premier chien, effectivement, il y a vraiment eu un avant et un après. C'est presque un cliché, mais c'est vrai qu'on est nombreux à dire ça. Le chien guide va rendre beaucoup d'autonomie, dans le sens où on va avoir une liberté de déplacement qui est beaucoup plus importante. On va pouvoir vraiment lâcher prise sur le trajet, parce que le chien s'occupe des obstacles, il s'occupe d'éviter ce qui peut être dangereux pour nous, il va s'occuper d'éviter les personnes dans la rue, etc. Donc nous, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a le droit de penser un petit peu à autre chose. Et il va permettre plus de précision dans le déplacement, parce qu'il est capable de retrouver des choses qu'on va lui demander. Par exemple, un passage piéton, un escalier, une porte, un composteur de tickets de métro, enfin tout un tas de choses qu'il a apprises pendant sa formation. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de confiance. Et moi, j'ai trouvé le plaisir de sortir que je n'avais pas spécialement avant ça. Et est-ce que ça a changé vos relations aussi avec les gens ? Alors mon premier chien, oui, clairement, je dirais presque qu'il a eu un rôle thérapeutique, parce qu'il m'a vraiment ouverte aux autres, il m'a vraiment permis d'aller vers les autres, de prendre confiance, d'oser parler avec les gens, etc. Puis les gens sont beaucoup moins intimidés par un chien que par une canne blanche dans la rue, donc ils viennent plus spontanément au départ pour parler du chien, et ensuite la conversation peut dévier sur autre chose, donc c'est vrai que ça facilite les relations, même... quand je peux aller à des conférences, des situations comme ça, où c'est vrai qu'à la canne, on me remarque pas spécialement, alors qu'avec le chien, les gens viennent tout de suite. Et ça permet ensuite d'échanger sur la conférence à laquelle on vient d'assister, etc. Et oui, donc, ça facilite beaucoup. Ouais. Premier contact. C'est alors, ça. J'ai remarqué qu'à chaque fois, on vous demande « Est-ce que je peux le caresser ?» C'est bien, parce qu'on a l'impression qu'il est concentré sur son travail et on veut pas le déconcentrer en le caressant, c'est Mais ça vous avez raison, c'est ce qu'il faut pas faire. Effectivement, quand le chien guide porte son harnais de travail, il faut absolument éviter de l'appeler, de le regarder avec trop d'insistance, de le caresser, etc. Il vaut toujours mieux demander à la personne qui est avec le chien s'il est possible de le caresser ou pas, parce que ça m'arrive régulièrement à Paris d'être, par exemple, arrêté à un passage piéton en train d'analyser un carrefour pour savoir quand j'allais traverser, et d'avoir une personne à côté qui arrivait, qui commençait à gratouiller mon chien, et enfin, moi je perdais toute ma concentration et je devais tout recommencer depuis le début. Donc c'est vrai que c'est pas très confortable, et ça peut même être dangereux sur des situations, par exemple sur un quai de métro où le chien est censé faire attention au vide, faire attention à la sécurité de la personne. S'il commence à être déconcentré par d'autres chiens qui viennent le voir ou par des personnes qui ont envie de le caresser, c'est inconfortable, voire dangereux dans certaines situations. Oui. Mais le chien peut se laisser déconcentrer ou pas ? Oui, ça reste un chien. Heureusement, ça reste un chien, c'est pas encore une machine, donc ça se développe aussi, mais ça reste un chien. Donc c'est vrai qu'ils ont leurs humeurs, leurs émotions, leurs intentions. Et ma chienne actuelle est beaucoup plus attirée par les gens, par exemple, que mon premier, donc c'est vrai qu'elle se laisse plus facilement distraire. Oui, perturber, distraire, d'accord. Ouais. Mais c'est bien aussi de dire que ça reste un chien et que voilà, ils ont aussi leurs sentiments, etc. Parce que c'est pas des chiens robots. Ça, vraiment, je le dis très souvent, c'est pas, on leur dit pas, va là, et ils sont capables d'initiative aussi, même sur un trajet, ils peuvent décider d'aller autre part parce que c'est dangereux ou parce que il y a un obstacle, par exemple. Oui, ils sont capables d'initiative dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme, dans le sens où effectivement ils sont capables de faire ce genre de choses pour s'il y a des travaux, si le trottoir est bouché, etc. Ils sont aussi capables de prendre des initiatives pour aller voir un congénère qui les intéresse au travail. Normalement, ils sont pas censés le faire, mais comme je dis, ça reste des chiens, ça arrive qu'il y ait des jours où le chien soit moins dans son travail, donc c'est à nous aussi de rester vigilants, et finalement, ça va avec la relation qu'on entretient avec le chien. C'est quelque chose de, c'est deux êtres vivants ensemble, donc il faut s'adapter en permanence. Oui, en fait. Sûr. Alors, vous savez que ici dans la radio, les chiens sont interdits. Donc on a fait un mail vendredi en expliquant que c'était un chien guide, qu'il était autorisé, etc. Alors est-ce que vous avez, parce qu'il faut savoir que la loi dit que bien sûr ces chiens sont autorisés partout, même dans les endroits interdits pour les chiens de compagnie. Est-ce que vous avez au quotidien des difficultés pour accéder à certaines structures, à certains magasins? Est-ce que vous avez des refus? Moi, j'ai quand même vu dans un restaurant un refus d'un chien guide pour une personne qui venait se restaurer. Mmh. Mais ça, c'est un délit, non? Ah ben, c'est un délit, bien sûr. Oui. Qui est passible d'une amende de, je crois, 400-450 euros. Ça vous est déjà arrivé ou est-ce que les gens sont plutôt bienveillants? Alors, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Après, ça dépend aussi, nous, de l'attitude qu'on a vis-à-vis des personnes. Il y a des gens qui ne connaissent pas la loi. Quand vous leur expliquez la loi, ils vont vous dire, ok, s'excuser et vous laisser entrer. D'accord. Effectivement, il y a des personnes qui vont rester sur leur position. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des restaurants. En 4 ans de chien guide, ça a dû m'arriver 3 fois, je crois. D'accord. Surtout dans les restaurants. Surtout alors. Dans les restaurants, effectivement. Ouais. Les deux premières fois, ça a pu se régler à l'amiable. Il n'y a pas eu de souci. Ça s'est fait parce que les personnes ne connaissaient pas la loi et ensuite, avec des explications, c'est passé. Par contre, le troisième restaurateur m'a effectivement dit que. Depuis qu'il tenait ce restaurant-là, il n'avait jamais été question qu'un animal rentre dans son restaurant et qu'il n'en serait pas question avec mon chien. Je lui ai quand même parlé de la loi de février 2005 dont vous venez de parler. Et il m'a dit mais que peu importe la loi, il était en gros roi dans son restaurant, qu'il faisait ce qu'il voulait. Je lui ai parlé de cette amende qu'il était susceptible de devoir verser et il m'a dit mais allez-y, appelez la police, il n'y a pas de souci. Ah oui, d'accord, donc il était vraiment têtu dans son idée, mais voilà, c'est pas du tout la majorité, c'est vrai que ça arrive encore. Mais de moins en moins. Après, c'est à nous aussi, en tant que maître de chien guide, de savoir négocier, expliquer la loi, expliquer l'éducation de nos chiens, pourquoi on a besoin de nos chiens. Et une image que j'aime beaucoup, qui revient de temps en temps, c'est que vous ne laisseriez pas une personne en fauteuil roulant rentrer sans son fauteuil roulant. Pour nous, c'est la même chose. C'est pas une aide physique en soi, mais c'est une aide quand même au déplacement. Donc, on ne peut pas rentrer sans nos chiens guides. Si on est venu avec nos chiens guides, c'est qu'on a besoin d'eux. Alors, une dernière question. Vous êtes en formation d'ostéopathie animale? Oui. Pourquoi cette orientation? C'était un souhait de travailler auprès des animaux, comme beaucoup de personnes, en fait, depuis que je suis petite. Et au départ, je m'étais orientée sur des études de psychologie et ça ne me convenait pas particulièrement. Et mon premier chien guide a eu des soucis de santé dont on avait du mal à déterminer la cause. Il a vu plusieurs fois des ostéopathes et effectivement... ça m'a intéressé, j'ai vu les résultats sur mon chien, j'ai aimé l'approche de ces personnes, leur manière de travailler. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer en cette formation-là et effectivement, ça me plaît beaucoup. Par rapport aux autres étudiants, est-ce que vous avez, qui eux peuvent le voir, vous pouvez pas voir l'animal, mais est-ce que vous manipulez pareil ou est-ce que vous êtes dans le ressenti? Je suis dans le ressenti, effectivement, comme eux. J'ai pas, contrairement à ce qu'on peut croire, une sensibilité plus affûtée que les autres étudiants en ostéopathie, en tout cas, parce que c'est des techniques, des palpations et des tests articulaires que j'ai jamais pratiqué avant. Donc, effectivement, je suis en apprentissage comme les autres. Donc, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne que les autres. C'est vrai que là-dessus, c'est du travail et encore du travail. Et encore du travail. Un dernier mot, Antoine? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir Gaëlle en stage cette semaine avec moi. Donc, elle vient avec moi à la clinique et elle assiste à mes consultations avec Jody qui est là aussi. Et donc, pendant cette semaine, on a eu quelques cas d'animaux qui venaient pour des boiteries. Donc, que j'ai examiné. Donc, ça fait 10 ans que je tripote des chiens qui ont des boiteries, etc. Je peux vous assurer que Gaëlle, elle a une manière de faire, une douceur et une technique pour déterminer des tensions dans des muscles. Enfin, j'ai été bluffé et ébahi. Et, contrairement à ce qu'elle dit, effectivement, il y a du travail, mais elle est très douée aussi pour ça. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci. Avec plaisir. Et bonne continuation en ostéopathie. Alors, Gaëlle. Merci Antoine. Je rappelle que vous intervenez dans 2 semaines, le 1er et le 2 octobre, pour un séminaire qui s'appelle Dog Révolution. Voilà, qui vous apprendra tout sur la place du chien voilà. Dans la société. C'est à la faculté de Nanterre. Merci beaucoup. On revient dans un instant, Laetitia. On va parler dans quelques minutes de radar pour détecter les animaux sauvages à proximité des routes la nuit. C'est vrai que parfois, ça crée des accidents. Il y a peut-être une solution qui est en passe d'arriver. Et puis, on va aussi s'intéresser aux loups avec notre invité dans une minute. À tout de suite. RMC 6h-8h. Vos animaux. Au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Alice va tester à l'aveugle des sodas Lemon Lime. Le soda Sprite à 63 centimes le litre, puis le soda Lidl à 48 centimes le litre. Alice. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur le Sprite non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Sprite 95 centimes les 1 litre 5. Soda Lemon Lime Lidl 95 centimes les 2 litres. Pour votre santé, évitez de grignoter. Salut, moi c'est Lucas. Lucas Dubol, oui je sais. Et Dubol j'en ai. De quoi remplir une armoire. Hier je démarre ma Citroën et là le fameux message. Toi. Va faire réviser ta voiture. Du coup, je prends rendez-vous sur Citroën.fr et sur le site, qu'est-ce que je vois pas? Avec l'opération Soyez malin et faites le plein, plus j'entretiens ma voiture, plus on m'offre du carburant. Ça va jusqu'à 280 €. Là, c'est plus du bol, c'est un bidon. Et moi, je dis merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Le retour du week-end des experts, les animaux sur RMC jusqu'à 8h. On a encore une bonne dizaine de minutes à passer avec Laetitia et puis ensuite ça sera la météo, les infos et on enchaînera avec l'automobile. Avant d'évoquer ces radars nouvelle génération qui sont là pour détecter les animaux sauvages à proximité des routes, Laetitia. On va parler des loups. On va parler des loups. Et oui, parce que vous savez que... Ils seront peut-être détectés par les radars d'ailleurs. Et peut-être, on va voir. En tout cas, on a encore eu une dernière décision ministérielle en date, autoriser l'abattage de 36 loups, qui est quand même une espèce protégée, je le rappelle, et la Norvège vient d'emboîter le pas à la France en autorisant cette semaine l'abattage de 47 loups. Alors, pour en parler, nous avons le docteur Véronique Ludeny, qui est vétérinaire, vice-présidente du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral. Et Véronique, vous connaissez bien le loup, puisque vous êtes dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Martin-Vésubie, le pays du loup. Bonjour François, bonjour Véronique. Bonjour. Alors, au cœur du pays des loups. Voilà. Alors, que pensez-vous de cette décision extrême de tuer les loups? Alors, je suis déçue et interloquée. Voilà. Parce que cette décision a été mise en place, en fait, il y a déjà 2 ans, puisque l'an dernier, nous sommes arrivés à un quota de 42 loups, déjà, qui ont été prélevés. C'est le terme. Enfin, ils ont été abattus, quoi. Voilà, abattus. Non, mais je fais exprès d'utiliser le terme utilisé par le ministère. Et de fait, cette décision, pour moi, n'est que politique, parce que, à ce jour, elle ne donne aucun bon résultat sur le taux d'attaque sur les troupeaux. Et même ça aggrave, je crois bien. Et même ça aggrave, tout à fait. Et même les éleveurs qui, au début, je l'avoue, étaient assez satisfaits de cette solution parce qu'ils se sont dit que ça va être peut-être le moyen de protéger nos troupeaux et on peut se mettre dans leur état d'esprit, essayer de les comprendre. Mais en fait, ce tir qui est aléatoire sur des zones certes très marquées par la prédation ne donne rien parce que les loups sont tirés de manière... aléatoire, exactement. Et on peut tuer autant un loup alpha, qu'un jeune loup en dispersion, ou qu'une jeune femelle. Et on a même eu des louveteaux. Et de fait, ça déstructure la meute. C'est comme si dans une structure sociale, on enlevait quelqu'un. Et en fait, on va réagir de manière anarchique et improbable. Et bilan, dans les endroits où il y a eu des prélèvements, il y a eu plus d'attaques dans les mois qui ont suivi, sur les 3 dernières années, et déjà dans les zones où ça a été prélevé, et ça n'a aucune amélioration. Mais c'est surtout quelque chose qui calme les esprits du côté des anti-loups, mais qui ne satisfait pas ni sur le point et le volet scientifique, ni sur le volet environnemental. Alors, vous avez proposé des solutions, enfin, avec bien sûr le syndicat, pour au ministère de l'Environnement, pour régler une partie de cette problématique loup, dont, alors, on parle de protection, on a parlé beaucoup d'associations parlent des chiens qui gardent, des chiens gardiens de troupeaux, comme les patous, mais il y a aussi une problématique avec les randonneurs qui peuvent être agressés par ces chiens. Et vous avez d'autres solutions. Tout à fait, parce que évidemment, on doit aider l'éleveur. Hein. Moi, je travaille également avec des éleveurs sur Saint-Martin-Vésubie, les vallées des Ubitinés, qui sont les endroits où il y a quasiment le plus de meutes de loups en France. On en a presque sur une petite zone, on a 7 meutes. Il faut accompagner l'éleveur. Alors, il faut qu'il ait des chiens de qualité. Donc, on propose déjà, d'un point de vue national, de mettre en place des ateliers chiens qui seraient... Voilà, qui serait en fait comme le chien guide d'aveugle dont on a parlé précédemment, et ben des ateliers chiens de protection, qui soient vraiment une filière encadrée, reconnue, pour que le chien soit agressif envers le loup, mais non agressif envers l'humain, c'est-à-dire qu'il soit juste dissuasif contre le loup et non agressif sur les humains, parce que c'est vrai qu'il y a cette problématique-là qu'il va falloir faire progresser, et là le vétérinaire est au cœur du système, on l'a vu, accompagné de biologistes, de gens dont c'est le métier, pour vraiment qualifier le chien en tant qu'élément indispensable pour la protection. Et en même temps, on propose également un accompagnement de l'éleveur, parce qu'il y a des éleveurs qui sont dans une errance psychologique et un stress qu'on peut comprendre, hein, parce qu'on s'attaque à leur travail. Plutôt que de les montrer du doigt, ou plutôt de, pour certains, crier à eux et à dia et demander des tirs qui sont pas toujours probants, on va faire un accompagnement qui serait une sorte de visite sanitaire de l'éleveur, oui. Par le vétérinaire qui est le spécialiste de l'animal, en fait, du loup, du chien, de la brebis, et l'aider dans des critères de conditionnalité pour avoir des bons aides éleveurs, pour avoir de bons chiens, pour avoir des bonnes pratiques d'élevage, et aussi le mettre en cohérence avec ce qu'il fait. Le fait-il bien ou pas? Ok, il n'est pas content qu'il y ait du loup, mais est-ce que la zone où il est installé est-elle probante? Est-ce qu'il a vraiment tous les moyens? Est-ce que il se fait aider de manière positive, parce que ce plan loup coûte extrêmement cher à l'État en plus, et pour l'instant il donne plus de bons résultats, et il y aurait d'autres choses beaucoup plus simples, beaucoup plus pragmatiques dans l'humain, dans le social, dans l'écoute, dans justement une filière chien, une filière jeune éleveur pastoral, qui pourrait aider déjà pour mieux appréhender le côté social et humain. Bon, alors disons que merci, Véronique. Voilà, c'est très bien ce que vous proposez, on espère que le ministère va vous écouter, pour l'instant... Oui. Non, bien sûr. Mais on y croit. En tout cas, on a des solutions. Il ne faut pas non plus dire que la solution, c'est de tuer les loups. On vous réinvitera, Véronique, pour nous reparler justement de cette problématique qui revient, bien sûr. Laetitia, après merci les loups, Véronique. Merci beaucoup, Véronique. Après les loups, on va parler de radar avec notre dernière invitée. C'est Anne-Sophie Croyal, qui est chargée de projet au conseil départemental de l'Isère. Anne-Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, pas de radar automobile, parce que ça sera dans quelques avec Jean-Luc, là c'est des radars pour les animaux. Voilà, alors comment marchent ces radars qui évitent les collisions entre les voitures et les animaux sauvages? Alors en fait ce sont des détecteurs à infrarouge qui détectent la différence de température dans l'air et qui permettent d'alerter l'automobiliste par un panneau de signalisation. Les systèmes fonctionnent avec des panneaux solaires et permettent d'alimenter tout le système pour ensuite effectivement alerter l'automobiliste et lui demander de ralentir lorsqu'un animal a été détecté à proximité. C'est-à-dire que quelques mètres avant, il y a le panneau qui s'allume en disant « attention, on a détecté un animal », c'est ça? Voilà, exactement. C'est un panneau de faune classique qui a été équipé de LED et qui permet effectivement de prévenir l'automobiliste que c'est vraiment un danger lié à l'animal qui est proche, en fait. Est-ce qu'il se déclenche pour un hérisson qui traverse la route? Non, parce que c'est compliqué de faire arrêter un automobiliste pour un hérisson, mais en fait, on détecte à partir de la taille d'un lièvre jusqu'à effectivement des animaux beaucoup plus gros. Oui. Ah, d'un lièvre, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. Donc, bien sûr, sanglier, etc. Il y a beaucoup de collisions, justement. Est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre de collisions entre la faune sauvage et les véhicules? En fait, c'est un chiffre très compliqué à avoir puisque tout n'est pas forcément déclaré aux assurances ni auprès des gendarmeries. Nous, on essaye avec les agents des routes de relever toutes les collisions en plus de toutes les informations qu'ils récoltent lors de leur tournée. Ils notent aussi les collisions qui ont lieu sur la route. Et ensuite, nous, après, c'est sur le système qu'on a pu faire une analyse en fixant certains critères. Donc, on sait que là, sur les 7 systèmes qui ont été équipés, on a plus de 3700 traversées donc d'animaux, mais quand on parle d'animaux, là, ça peut être des hordes de sangliers, comme on a pu le voir sur les caméras.